patois de Nanterre. Une, j'en connais, il va s'en prendre une tout à l'heure, mais ça, là je crois que ça va lui faire plus mal. Le putois de Nanterre fait son débat sur Fun Radio. Allez GG, c'est à toi, c'est à toi mon gars, c'est à toi mon Lascar. GG qui est pro. Et voilà donc. Non, c'est pas le bon micro mec, ça fait, c'est comme tout à l'heure. C'est celui-là. Voilà. Bah oui, mais c'est pas moi qui l'ai éteint. Donc voilà, donc bon, on venait de s'écouter. Manu, s'il te plaît, tu peux l'annoncer. C'est les trucs du pied, c'est là. Bah non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Remix MTM Georges Alain fait par notre ami Thomas. Voilà. Donc alors ce soir un peu de retard parce que l'équipe qu'on devait avoir n'est pas au complet. Donc alors à l'aria du coup ça va être Léo que vous allez retrouver juste derrière moi. Derrière toi, comme par hasard. Juste derrière moi, après, de 2h jusqu'à 6h. On espère que tout se passe bien. Tu y es, faudrait que tu lui dises les boum boum. Je vais le faire. Hein? Donc, au standard, vous avez Laurent, qui était là depuis 21h, et puis qui va rester là jusqu'à 2h. J'espère. Et Thomas, qui est toujours là. Bonsoir. Donc bonsoir et puis Manu qui sera sur le site internet www.funradio.fr. Ouais. Et donc bon, on va, comme on a pris un petit peu de retard, on va se dépêcher d'y aller. Et puis on va quand même saluer un peu ceux qui travaillent de nuit, les chauffeurs de taxi, les routiers, les putes. Voilà. Qui c'est que j'ai oublié encore? Les agents de sécurité et Didier de Château-Thierry et bien sûr le gros nounours de Nanterre. Et voilà, c'est terminé. Les coucous sont faits. J'embrasse bien sûr ma petite Diana que je retrouverai tout à l'heure. Voilà. Donc débat sur les pressions. Vos gueules. Ouais, on accélère, c'est pas toi qui vas me commander, d'accord? Oh, calme-toi, s'il te plaît. Déjà une, c'est pas toi qui vas me commander, c'est moi qui décide de ce que je dois faire. Et vous allez pas me perdre le bordel de il y a 15 jours. D'accord? Donc, voilà. Donc, alors, on va... Et bien sûr, qui m'a pris les auditeurs sans me mettre les fréquences, c'est encore du Laurent. Bravo! Bravo, Laurent! Non, mais attends... Eh, non, mais merde! Non, mais ils ont assez... Eh, mais j'en ai marre, moi, hein! Eh, mais ils ont marre! Eh, au départ, vous prenez les noms et vous me demandez les fréquences. Ah ouais, là... Alors, Monsieur Mazur, 101.9. Ah, Monsieur Mazur! Ouais! Super type! Ils sont tous là, hein, GG. Hein. Super tube. Super tube. Hey oh. Super tube, bonsoir tout le monde. T'appelles où? Rappelle Monsieur Mazur. J'appelle de Lyon. La fréquence 103.3. Fous-toi bien de ma gueule. Il est là, Monsieur Mazur, au moins. Ouais, Monsieur Mazur. Bonsoir la nouvelle équipe. Monsieur Mazur. Et bonsoir oui, Monsieur Mazur. Bonsoir Super tube. Oh, bonsoir Monsieur Mazur. Super tube. Oui, laisse-moi zoom, zoom, zem dans ta benz. Ouais, ouais, bah, c'est bon, Monsieur Mazur. Godmachette. Il dit wop. Godmachette. Oui, bonsoir, c'est Godmachette. T'appelles d'où? J'appelle de Lâche-la-Purée sur Yvette, 119.9. Salut, God. Bonsoir tout le monde. 101.9, abruti. 119.9, c'est la grande banlieue, hein, c'est la grande couronne, GG. C'est Lâche-la-Purée sur Yvette. Ouais. En banlieue parisienne, c'est ça? La très grande banlieue. Ouais, bah, c'est 101.9, alors fous-toi pas de ma gueule. Grande couronne, 119.9. Ta gueule, je viens de te dire! Bonsoir. Guéno! C'est Guérôme, bonsoir à vous Gérard, c'est Guérôme avec un guet. J'appelle de Mantes-la-Chemaux en région panamienne, 101.9. Bonsoir Guy. Salut Guérôme. Bonsoir. Je vous préviens, ce soir vous allez pas me casser les couilles longtemps. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Yeah. Vous allez me donner les fréquences correctement. 101.9, Guérôme avec un guet. Lâche la purée sur Yvette, hein, sur Yvette. Ouais, et tout à l'heure, ta mère, je vais t'envoyer chier, toi, vite fait, God Machette, d'accord? Parce que tu vas pas me casser les couilles dès le départ. Oui, oui mais c'est Gérard, une question. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Ça farte. Parce que là, ce soir, vous allez pas me faire chier, hein. Ah non. C'est pas alors, le but. Comment? C'est pas le but. Ouais, bah, j'espère pour ta gueule. C'est toi qui as la moustache qui frétille quand tu t'énerves. Toi, fais gaffe aussi, super tube. Moi, GG, écris pas, c'est pas grave, ils t'ont rien dit. Explique ce que c'est le débat, pourquoi t'as voulu le faire et tout. Quoi. Donc, alors, débat sur la prostitution, parce que c'est le thème du qu'il y a à l'heure actuelle. Donc, on en parle un peu beaucoup, de trop, même à la radio, sur les ondes, sur les télés, et même à la radio, on en parle quand même aussi. Hein. Gérard, oui. Je tiens à vous féliciter d'aborder ce genre de débat de fond sur Fun Radio parce que c'est vous êtes le seul à le faire, je pense. C'est courageux. Hein. C'est très courageux de votre part et je vous souhaite un bon débat. Ben, okay. J'espère que vous allez répondre correctement aux questions et c'est tout. On va essayer. D'accord. Mmh. Bon alors première question. Que pensez-vous non même pas. Même pas. Eh ben avez-vous déjà été voir une prostituée, on va demander ça, tiens, bah super, non, à Guénou. Oui, alors je dois l'avouer, c'était il y a longtemps, je suis allé voir effectivement une prostituée. Bah, en fait, je suis allé au Portugal en vacances, et sur la route de l'Espagne, j'ai senti comme une certaine faiblesse. Et donc je suis allé dans des clubs, ça s'appelle des clubs en Espagne. Des clubs ? Les clubs, ouais. Et en fait, je suis allé avec des potes et on s'est tapé des putes. Voilà, donc j'ai été bien faible et je m'en excuse. D'accord. Auprès de ma copine et de ma mère. Pourquoi c'était elle les... Oh, j'aime pas trop. Non, je faisais juste une question. Manu, attention quand même. Non, mais de toute manière, il fait bien de poser cette question. Hein. C'était pas moi, c'était sur le chat de Fun, funradio.fr bien sûr. Ah, Gone Machette. Des putes, alors moi non. Par contre, j'ai la mauvaise habitude d'aller voir des prostituées de temps en temps. Mais des putes, c'est plus rare parce que je trouve que sinon elles sont trop. Eh, quelle est la différence entre une pute et une prostituée? Bah, la prostituée, c'est pas pareil. C'est plus de luxe quand même, tu vois. La pute, voilà. c'est celle que t'attrapes genre au bord du périph ou au bois, alors que la prostituée, c'est la nénette de salon quand même, tu vois. C'est un peu la classe, quoi. C'est un peu la classe, quoi, quand même. Le chapitre des putes de luxe. Pour les gens qui n'ont pas d'argent, il y a les call girls, mais ça, c'est pour les tocards. Ouais, mais il y a la branlette espagnole aussi. Oui, alors, monsieur Gérard. Ou la veuve poignée. Oh, monsieur Mazur, s'il vous plaît. Je me permettrais de préciser, n'est-ce pas, qu'une prostituée habitant, n'est-ce pas, à côté du bois, s'appelle donc une prostitute. Une prostitute. Ouais, c'est ça. Monsieur Mazur, maintenant, c'est à votre tour, et puis vous n'allez pas vous acharner sur la question, parce que sinon, je vais vous dire au revoir vite fait, vous. Mais que nenni, je ne m'acharne nullement. Eh bien, monsieur Gérard, comme vous l'aviez peut-être deviné, la réponse est oui, bien entendu. Ah, oui. Je suis un grand, grand amateur de femmes de peu, bien sûr. Ouais. Mmh. Et j'y vais très très souvent. J'ai le regret de ne pas vous y voir aussi souvent que je le souhaiterais. Mais non, mais merci, monsieur Mazur. Je fais pas partie de ce bord-là, d'accord? Ça n'est pas faute de vous avoir invité. Non, mais moi je vous dis, c'est pas du tout mon style de passage, d'accord? Ouais, bien entendu. Eh bien, comme mon nom l'indique, je ne vais pas voir les putes, mais ce sont les gens qui viennent me voir. Mmh. Puisque c'en est ma profession depuis 10 ans. J'ai 32 ans. Mmh. Vous faites un bien noble métier. À modique prix, les gens qui veulent bien venir demander mes services contre un peu de plaisir. Est-ce que je peux poser une question à ce super pute? Ouais, vas-y. J'aimerais savoir si elle prend les tickets resto. Je prends les tickets resto à partir de 50 euros. D'accord. Donc, et les tickets sodo, tu les prends ou... et les tickets que vous avez maintenant, fermez un peu vos gueules. Non, mais là, je crois que j'ai un ticket, là. Moi, j'avais fermé sodo avant. T'es un peu une pute, hein, quand même. Hein. Une te pute. Ouais, t'es vraiment une pute, hein. Ouais. Catin. Moi, j'adore. Eh ben, je pense que vous allez vous calmer sur les questions parce que c'est sinon. Bah c'est chaud, on parle de cul là. Ouais, non, mais moi je vous dis, vous allez vous calmer quand même un petit peu. GG, je voulais demander à la jeune gazelle là, si est-ce que tu fais des prix de groupe, des tarifs étudiants, des trucs comme ça. Alors je fais tarifs militaires. Ouais. Parce que c'est important. Je fais aussi tarifs étudiants et tarifs puceaux. Est-ce que t'as un tarif gendarme et flic? Dis-moi. Non, Gérard, j'aimerais poser une deuxième question à Superpute. Superpute, c'est en verlan. J'aimerais savoir si tu fais des journées chatte ouverte. Mais moi, je voulais savoir. Je fais quelquefois des soirées anales. Oui. Mais c'est sur invitation. Eh, moi, je voulais savoir, là. Oh. Attendez, je peux poser une question, là? Ah oui, bah, vas-y. Je peux savoir, là, le branleur qui a été posé une question con comme ça. Oui. S'il faisait pas une soirée que maintenant il va retourner au standard et je lui dis au revoir. Mais pour information, pour monsieur Mazur, j'aime beaucoup titiller les pourtours anneaux. Alors. Non, mais c'est pas monsieur, alors. Mademoiselle Super Tepu, donc. Eh putain, mais vous allez vous la fermer un peu vos gueules, là. Tu fais dans l'humanitaire pour GG ou pas, là? Bon alors, Machette. Bah, qu'est-ce qui se passe? Au revoir. Dans le débat? Voilà, t'es dans le débat, bien sûr. Moi aussi, t'es dans le débat avec moi, maintenant. Quelle poigne. Alors, Gérard, j'aimerais poser une troisième question à Super Tepu. C'est qui? C'est Guérôme, avec un gay. J'aimerais savoir si elle fait des soirées VIP. Non, je fais des soirées sodomiches. Ouais, et ben, Guéraud, tes questions comme ça, je m'en bats les couilles et je te dis au revoir. Allez, hop là. Gérard. Tout à fait pertinent, je ne comprends pas. Oui, non, mais attendez, monsieur Mazur, c'est moi qui commande, donc vous allez vous calmer un petit peu, merci. Ah, mais je suis tout à fait calme. Ah, ça y est. Sinon, je fais pareil que les autres. En de bon entendeur, salut. Merci. Oui, sur le net, là, www.funradio.fr, sur le chat, il y a une petite question. On me demande si c'est en suçant pour de l'argent que t'as perdu tes dents. Non. Tu peux dire qui c'est qui a posé cette question, qui a ni queue ni tête? Comme lui, je sais plus, il est parti ou elle est partie, je sais plus, j'ai pas regardé. Et on est combien là pour l'instant? Pour l'instant, alors attends, bouge pas, je clique. On est 8050. C'est pas mal. Et Gérard, elle a c'est pas mal les gars, 8050 quoi. Alors merde. On commence fort. Gérard, oui. À la place de Guillaume, on accueille Fromage de cul qui nous appelle de Saint-Quétard en Vaseline. Fromage de cul, bonsoir à toi. Et comme par hasard, encore un qu'on a eu il y a 15 jours, que j'ai viré au bout de 2 minutes parce qu'il a été trop loin sur ses questions. Bonsoir à vous, Gérard. Bonsoir. Heureux de participer à ce débat sur les prostitutes. Bonsoir, Fromage. On en mangerait, dis donc. Une tranche. La fréquence. Bonsoir. Donc, c'est la fréquence, c'est 105.3. 5 tard en vaseline. Ben, c'est bien, c'est bien. C'est bien ce qui me semblait qu'on l'avait déjà eu, celui-là. Bonsoir. Ta gueule, tu me prends des vacances. Alors, la question suivante, quel peut être l'avenir d'une prostituée si elle décide d'arrêter? Et on va demander à Fromage de cul. Alors, moi, je pense qu'une prostituée, je pense qu'en fait, elles font ça par passion. Je pense que c'est des personnes, des filles qui n'ont pas réussi à l'école et qui font ça pour arrondir les fins de mois. Et petit à petit, elles prennent du plaisir dans ce qu'elles font. Elles le font de mieux en mieux, et que je pense qu'en fait l'évolution serait de passer pute de luxe. Et certaines personnes ne peuvent pas se permettre, donc elles restent en fait. Ah mais je te demande si elle décide d'arrêter. Je te demande pas, je t'ai pas demandé si elle voulait continuer. Non, à mon avis, non, c'est une vocation, donc elle continue. Quel va être son avenir après? À mon avis, l'avenir est peu radieux pour les putes. Et en fait, elles font ça. Bah, je sais pas si t'as croisé des vieilles ginettes, tu vois, dans les camionnettes. Et tu vois, il y a des putes qui sont carrément. Je te préviens que les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. Oh, bravo. Quand je te pose la question, quel peut être son avenir? Bravo. Ouais, je dirais que son avenir est de continuer dans la voie qu'elle a choisie. Oui, mais Fromage, si elle arrête d'être pute, elle fera quoi? Ah, si elle arrête d'être pute? Oui. Enfin une qui comprend le thème de la question. Non, parce que lui, il est aussi con qu'un manche à balai. Alors moi, je dirais que si elle arrête d'être pute, elle pourrait se recycler dans le secrétariat. Ah bah voilà, ah bah voilà. Quand même. Eh putain, faut que ça soit super tupu là, qui double les esgourdes. Ouais, merci, ça peut super tupu. Bah tiens, bah justement, c'est à ton tour maintenant, super tupu. Ah, il se marre. C'est à ton tour maintenant de me répondre. Bah, en fait, arrivé à 40 ans, une pute devient une vieille pute. Bon bah il y en a qui ont plus de 40 ans puis qui le font toujours hein, ce métier-là. Oui mais c'est passé 40 ans, c'est plus très très ça tient plus très droit, tu vois. Ouais bah disons c'est même plus consommable. Oui alors c'est plus consommable. Monsieur Gérard, permettez. Oh Monsieur Mazur, vous fermez votre gueule. Une question pour Mademoiselle. Monsieur Mazur, vous fermez votre gueule. Une question tout à fait pertinente, je vous remercie. Monsieur Mazur, vous fermez votre gueule. Étant donné donc. Monsieur Mazur, au revoir. Mais carrément. Au revoir. Tu l'as viré direct. Merde. Il voulait poser une question à Super Tupu. Non, mais. Oh. On va le mettre juste en attente le temps que moi, je suis intéressé par la. Non. Hey, c'est pas toi qui commence, c'est moi, sinon je laisse le débat tomber. Non, laisse pas tomber. C'est tout. Il avait une question. Il n'y a pas de question, c'est moi qui commande. Et toi, tu fais ton boulot. J'ai des questions internet si tu veux. J'ai des questions internet, t'es d'accord? Eh, parce que là, pour l'instant, il y a que deux personnes. Non, on s'en fout, c'est pas grave. Eh, faudrait peut-être bouger un peu votre cul au standard, hein. Il y a Cousin Boy sur le chat de Fun qui me demandait si la prostitution, tu pensais que c'était héréditaire? Non, pas, je vois pas tellement le rapport. Bah, je sais pas, est-ce que c'est héréditaire, quoi? Quoi, si c'est grave, qu'est-ce que t'as à dire à Max que c'est grave? T'es même pas capable de prendre des gens. Gérard, on s'en fout. Mais attends, si, je mais vous faites quoi là? Non, mais je t'accueille. Mais vous faites quoi? Bah, je te pose des questions, mais moi, mon con. Mais quoi là? Je t'accueille, la troisième personne qui vient participer. Mais non, tu au fais débat. Quoi là? Tu viens me décrocher ton téléphone, tu prends personne. Mais il est décroché parce qu'il y a quelqu'un, mais je peux pas faire deux choses à la fois, je suis désolé. Non, non, mais vous allez me prendre les gens au standard maintenant. Ok, mais on accueille Starfleet. Parce que sinon, moi, le débat, il va être clos. C'est là, Laurent, faut que tu fasses un effort. Eh, ça fait trois fois que je te le dis. Combien d'avertissements? Bah là, la non, mais déjà non, mais... la semaine dernière, c'était bah, pareil. Une fois que t'es parti à une heure, c'était le boxon. Mais des avertos. Un blâme. Hein alors, non, mais moi, si je peux permettre, non, non. On accueille et... cet artistique qui va remplacer God Machet qui était avec nous. Il nous appelle de Port Jartel sur Varis. Bonsoir à toi. Alors, je vais te dire une chose. Fréquence, mec, la fréquence, vient de faire démonter. 118.8, hein, c'est promis. Ouais, t'as de la chance. Bonsoir, c'est Starcystite, 118.8. Bonsoir, je peux poser ma deuxième question internet ou pas, GG? Toujours Cousin Boy, hein, pareil, il demandait quoi? Il demandait, ouais, s'il y avait des tarifs pour les puceaux chez les putes. Non. C'est le même prix. Genre, la pipe, c'est 20 euros, tes puceaux, tu t'es jamais fait sucer, c'est 20 euros. Y a pas de promo, les soldes. Non. Non, c'est même pas les comme soldes d'hiver, tout comme ça, dans les grandes surfaces. Hey, non, c'est pourri, hein. Eh, hey, au standard, là, mais vous. Hey. Ça va, je peux sais, moi, Manu. Aller plus vite. Ah. Non, tu travailles. Je vais t'appeler, Alain. Tu travailles, ouais, moi aussi je travaille. Et attends, t'en as déjà trois, les autres arrivent. Non, mais tu fais quoi avec le combiné, là, depuis tout à l'heure? Attends, c'est ici, ok? Gérard. Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Oh putain, vous commencez à me casser. Eh, on est qu'à la deuxième question. Allô, il est déjà minuit 25. Il reste encore une heure et demie de débat. Allô. Et à la place de Monsieur Mazur. Mm-hmm. Ah. Non mais parle un peu plus fort quand tu quand tu veux le dire. Non, j'ose plus maintenant vu la manière dont tu me parles. Plus. On appelle non pas encore. Belle de jour qui nous appelle du bois de Boulogne 100.9. Bonsoir à toi, Belle de jour. Allô. Bonsoir Belle. Salut Belle. Ça va. Salut ma carcasse, comment tu vas? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Eh, tu fais gaffe parce que tout à l'heure tu as dégagé plus vite que t'es venu au standard. Fais gaffe, je suis au bois de Boulogne, je peux débouler moi. Hein. Allez hop, au revoir. Non. Terminé. Bah non, mais des fois. Non, non, moi je commence pas comme ça. Allez hop, le mec il commence. Elle te connaissait. Quoi, tu peux pas? Eh, t'es capable de quoi faire? T'es capable de quoi faire? Gérard, c'est fromage de cul. Ouais. Pour rebondir sur la question de Manu, là, j'aimerais te demander si tu penses, toi, sur la question des puceaux, là, si tu penses qu'on devrait faire des prix de groupe sur les puceaux. Et c'est pas le thème du débat, d'accord? Un peu quand même. Bien, moi, je sais, mais si tu fais la carte d'identité, il faut qu'il soit majeur. Voilà, tout à fait. Mais moi, je fais. Hein. Ah, j'ai flippé, si je l'avais appelé Skyrock. Alors, fromage de cul. Oui, quoi? Maintenant, vous allez faire une chose. Allez, hop, bonne nuit, fromage de cul. Tu dégages. Non. Oh, non, pas encore. Non. Allez, hop, je veux pas savoir. On va passer. Non, mais attends. Depuis tout à l'heure, ça fait déjà 10 minutes qu'il est avec le combiné derrière l'oreille, il est pour rien. Attends, donc, je prends, il y a des boutons. Thomas, non, t'es lourd. Non, Thomas. Là, Léo, on s'envoie un disque. Ah non, on va se calmer un petit peu, Gégé. On va reprendre du monde. Et ça, vous avez pas me casser les couilles. Attends, jusqu'à... Regarde, là, quand même. Regarde qui? Non, mais... Bah, il reste plus que elle, hein. Lui, Allez, hop. Un fromage de cul, là, il a... Au revoir. C'est tout. Il a cru que c'était Claude Levoyant, c'est pour ça. En fait, on... Bonsoir, c'est Claude. Mais qui on regarde, là? Il y a le super tu pues, là. Non, il y a Starcystite. Non, non, toi, je te dis bonne nuit. Il est bien, lui, les statistiques. Je te dis au revoir. Je suis bien, moi. Au revoir. Mais il a rien dit, lui. Je ne vais pas le savoir, au revoir, c'est tout. Parce que, de toute manière, c'est les mecs, c'est au standard. Ils reprennent les autres personnes qu'on a virées sous d'autres noms. Et ça, non. Je m'en occupe. Bon, on va s'écouter un petit disque, j'ai dit. C'est quoi le titre? Je sais pas. T'as les feuilles juste devant toi, je crois. Juste devant, t'as des... Ça? Voilà. Ah, il y en a un titre. Voilà. Ah, mais celui-là, il est vas-y, bien. Vas-y, GG, il est bien, celui-là. Et on va s'écouter. La femme habite avec des poils entre les dents. C'est plus charmant et on se retrouve tout de suite après au 0825 08 5000 et www.fr. À tout de suite. Gérard dit n'importe quoi. Eh, hey, tu parles encore plus fort, je comprends pas, espèce de con. Et pendant deux heures, c'est les débats de Gérard sur Fun Radio. Et voilà, donc rebonsoir à tous. Donc j'espère que maintenant ça vient se passer. Donc sur le net, on était à 8321. J'espère qu'on va faire un petit peu plus. Tiens, bah 8322 juste là. Donc toujours au standard Thomas et Laurent. Bonsoir Gérard. À l'aria Léo que vous allez retrouver juste après à 2h du matin pour la nuit sans pub. Et moi je serai sur le chat avec lui. Et donc la place un T4 toi. Et toujours toujours Manu sur le chat www.funradio.fr. Exact GG. Long. Et voilà. Long. Tu veux long sucré s'il te plaît, merci. Tu veux une petite question internet avant de reprendre le débat. Je sais plus, je crois que c'est Erzat qui me demandait tout à l'heure si par exemple une prostituée elle avait qu'un nichon ou tu vois qu'elle avait qu'une seule jambe ou quoi, si il y avait des tarifs. Genre c'était moins cher, tu vois. Non, il y a pas de tarif. Oh, c'est pas juste. Pas de tarif que dalle. Mais putain, il y a pas de sol, il y a pas de tarif. Attends, c'est quoi ce boulot? Ben c'est comme ça, c'est tout. Eh ben. Donc on accueille Rodrigo, 101.9 Paris. Bonsoir Gérard, bonsoir. Bonsoir. Boule de guéchette. Boule de guéchette peut-être. Boule de guéchette. Guéchette, ouais. 117.7. Ouais, la garenne pigeon, ouais. Quoi? La garenne pigeon, 117.7, c'est ça? Ouais, c'est ça, la garenne pigeon, ouais, c'est ça. Fous-toi bien de ma gueule aussi, toi. Bah, c'est dans le sud-est, ouais. Ouais, c'est peut-être dans le sud-est, la garenne pigeon, ouais, c'est ça. Fous-toi bien de ma gueule. Mouche de nuit. Moche de nuit. Moche de nuit. Moche de nuit. Bonsoir. 112.4. De Lyon. 112.4. Ah oui, de Lyon, la fréquence de Lyon. J'appelle de Lyon. 112. Et alors, je donne que les fréquences, je dis pas les villes. D'accord? Ah bon. Et bon. Normalement, on a toujours super. Tupu. Super tupu. Super tupu. Voilà. Alors. C'est toi qui tue. Donc la question c'est quel peut être l'avenir d'une prostituée si elle décide d'arrêter? Oh. Alors là vous allez répondre correctement parce que ça tournait tout à l'heure au vinaigre et je veux pas que ça recommence. Déjà il y a l'alligator sur le net qui me dit routier en premier lieu. Ça, ça n'engage que lui, hein. Ouais, bah ça n'engage que lui sur le net. Hein, mais moi, qu'est-ce que t'en penses quand même? Plutôt routière. Ouais, plutôt routière. Hein. Il y a des mecs putes. Ouais bon, on verra bien, on verra si on a quelques routiers sur Rodrigo, lors du débat. Rodrigo, okay. Je crois que. Ouais. Rodrigo, t'es routier? Non, je suis pas routier, je travaille au bout de bobo. Mais je conduis camionnette. Ouais, c'est ça, d'accord. Okay. Je demande s'il y a des routiers. L'autre, la première connerie qu'on me balance du standard. Rodrigo est routier, non, bien sûr. J'ai permis une camionnette, donc j'ai pensé qu'il y avait... Ah, enfin, ouais, bon, bref. Tiens, bah, Rodrigo. Bah, moi, j'ai permis poids lourd, donc on peut me considérer comme routier. Et moi, j'ai écouté l'émission, là, entre des clients. Mm-hmm. Et pour répondre à ta question, la question, c'est pour savoir sur l'avenir de pute, en fait. C'est ça? Ouais. Quel peut être l'avenir d'une prostituée si elle décide d'arrêter? Troisième fois et dernière fois que je pose cette putain de question. Vous commencez à me casser les couilles. Énervé, Gérard, détends. C'est pas grave, GG. T'inquiète. Alors, vous répondez correctement maintenant. Okay. C'est Rodrigo, moi je dirais pour répondre à ta question. Mais c'est à toi que je m'adressais, espèce d'abruti. Je dirais que moi, personnellement, je me recyclerais, là pour l'instant je suis Travelo, boîte bobo, je me recyclerais en tant que joueur de football. Putain. Eh bref, faudra peut-être que t'appuies un petit peu moins sur les pipes, hein, et que tu travailles un peu plus quand je te pose une question. Ah, bien, bon. Oh, bravo. Bravo. Hein? Bravo, Gérard. Boule de guéchette. Moi, je crois qu'il y a des professions toutes tracées. Je sais qu'il y a des stages de reconversion pour être pervenche ou, tu sais, contractuel, quoi. Mmh. Moi, j'ai une copine, elle a fait fossoyeuse, en fait. Avant, elle était pute. Mmh. Et puis un jour elle en a eu marre, moi elle s'est dit j'ai l'habitude, les trous, tout ça, donc elle s'est dit je vais faire fossoyeuse, quoi. Tranquille. Fossoyeuse? Ouais, fossoyeuse. C'est cool, mais en hiver, bon, c'est galère parce que la terre elle est gelée, pour creuser des trous c'est la galère, quoi. Mais pour creuser des trous, pour quoi faire après? Bah pour faire ton métier de fossoyeuse, quoi. Tu connais pas ce métier? Moche de nuit. J'ai pas le temps de t'expliquer, mais tu auras droit un jour, t'inquiète. Ouais, bah je crois pas. Ouais, bah d'accord, ouais. En tant que croque-mort, c'est ça que tu veux dire? Voilà, tu vois le merci. Droit. Non, mais c'est bon, moche de nuit. Alors moi, je pense que après, bah déjà, dans un premier lieu, bon, bah moi, à mon avis, elles arrêtent de faire l'amour, tout simplement. Ouais. Ça leur rappelle trop leur travail, alors elles arrêtent pendant un certain temps. Ça veut pas spécialement. Hein. Il a pas tort. Hein. Bah, si tu veux, quand t'as reçu comme ça, vraiment violent, plusieurs fois par jour pendant des années. Ouais, non, mais années, ça, ouais, non, mais c'est son boulot, hein. Cicatrice après. Bah ouais, mais enfin bon, quand même. C'est son boulot, hein, c'est pas. Ouais, non, je suis d'accord, mais c'est pas un super boulot, tu vois, vraiment, anatomiquement en parlant, faut que ça se faire, enfin bref. Hein. Et puis ensuite, bah moi, la plupart des sondages que j'avais lus dans les journaux, il y en a beaucoup qui se reconvertissent en péripatéticienne, il paraît. Ouais, ouais, d'accord. Voilà. Super, je crois que tu avais répondu, toi, Super Tupu. Non, j'ai pas répondu. Ah non, mais c'est vrai, parce que j'avais dit que je virais tout le monde, et puis en fin de compte, je t'ai gardé. Voilà, je te disais qu'à 40 ans, une pute devient une vieille pute, et je pense qu'elles ont leur avenir tout tracé comme, je sais pas, femme de député ou femme de politicien. Ah ouais. D'accord. Étant donné la clientèle qu'elles ont, je dirais, elles peuvent garder des liens. À propos des vieilles putes, je voulais savoir. Oui. Comme on dit que la prostitution c'est le plus vieux métier du monde, je voulais savoir si comment fait une pute qui a par exemple 20 ans, 18 ans. Non mais attends, tu permets là, tu vas pas commencer à saccager le débat. Ah, excuse-moi. Et quand tu poses une question, tu donnes ton nom. Ah pardon, c'était moche de nuit. Ouais, ben, pour l'instant, tu vas attendre un petit peu. D'accord. D'accord. Ok. Alors, un petit sondage. GG, oui. D'après toi, c'est quoi, je veux dire, quand tu dis une pute qui se reconvertit, c'est quoi l'âge de la retraite pour une prostituée? Parce que t'as pas dit à quel âge ça se situe à peu près. C'est quand elle devient moche ou C'est quand elle déborde, c'est quand? Non, ça est... Non, à mon avis, je peux pas trop dire parce que je connais pas trop ce milieu-là parce que je j'ai jamais pratiqué. T'as pas connu tes problèmes. D'accord. Alors là. Pourquoi? Non, mais attention. Là, je viens d'entendre un petit truc qui a vraiment effleuré mon oreille. Ton esprit, ouais. Si je réentends ça, je ne vais pas chercher midi à 14h. Je vais choper un des trois mecs. Ah, dommage. C'est bien, okay, c'est bien clair, net et précis. Géré, parce que j'ai vaguement entendu quelque chose qui ne me faisait pas plaisir. Non, mais je laisse la parole sur le chat maintenant. Ouais, il y a Léa qui te, c'est pas une question, elle te dit juste que pour toi ce sera demi-tarif. Hein, donc tu peux aller la connais pas. Tu peux aller la voir, c'est sympa. Elle est commerçante. Et on me demande quelles études on doit faire pour devenir prostituée. Il y a pas d'études à faire. Je crois que d'ailleurs il y a une petite question, un petit sondage. Oui, non mais justement. À ce propos-là. Par contre, il y en a si une. Si tu veux le lire. Faudrait peut-être qu'elle pense à poser des questions. Ouais, aussi. Ouais, je vois que tu parles. Quelle est la différence entre une pute et une catin? Alors 21% des gens pensent que les putes sont des femmes alors que les catins sont des femmes avec des bites. Ça c'est vrai. C'est un mélange de prostituées. 67% des gens disent qu'il ne faut pas de godemiché. Les personnes donc ne peuvent faire de différence, ça je veux bien l'admettre. Et 2% des gens répondent que tout est une question, hein, tout est une question d'orthographe. Je vois pas du tout le rapport avec le débat. Je sais pas. Mais enfin bref. Bah enchaîne la deuxième parce que c'était la question qui a été posée sur le chat. Alors pourquoi va-t-on voir des prostituées? Alors si non, y a un truc sur les études, non? Bah non, j'ai pas de truc sur les études. Celle-là. Non, mais on va faire. Fais celle-là, c'était ce qui était demandé sur le net. Alors, comment devient-on une pute? Alors, 73% des gens pensent répondre qu'il ne faut pas un bac pute et un BTS pipe. Bah, ça, en principe, il n'y a pas besoin d'avoir de bac ni de BTS. Et 0,4% des gens disent qu'il ne faut pas passer un concours de circonstances, ça c'est vrai. Et 58% des gens pensent que l'on ne devient pas pute, mais que l'on est prostitué, ouais ben oui. Oh. Pourquoi pas? Donc, voilà. Okay. Voilà. Donc on va garder les suites par les prochains pour la suite. Alors seriez-vous prêt à vivre avec une prostituée pour la vie? Et on va demander à Rodrigo. Alors lui, le temps qu'il réponde. Excuse-moi, là, il y a quelqu'un qui part par la camionnette. Bon, alors, Rodrigo! Je vais revenir après, moi, te faire la totale éclate dans ton anus. Bon, Rodrigo! Attends, vas-y doucement, je crois que c'est la copine à Léandro. Moi, tout travail, quelqu'un, il peut faire ce Moi, non, mais alors, Rodrigo, je te dis au revoir, comme ça, tu vas travailler. Oh, non, pas encore, tu vas travailler gentiment. Allez, au revoir. Avec Gérard Fun Radio. Au revoir, merci, Gérard Fun Radio, c'est ça. Tu l'as pénalisé pour rien. Allez hop, terminé. Je veux pas. Allez hop, boule de guéchette. Ouais, c'était quoi la question déjà? Seriez-vous prêt à vivre avec une prostituée pour la vie? Pour la vie, non. Par contre, c'est-à-dire, comme on vient de parler, si si elle a décidé d'arrêter. Donc, si vous y êtes, si vous êtes prêt, par exemple, à vivre avec une personne qui était prostituée avant. Bah, franchement, moi, j'aurais peur de tomber pour proxénétisme, en fait, quoi. Non, mais ça, je te parle pas non, parce que si elle arrête. Non, attends, écoute-moi, boule. Ouais, boule de gâchette. Écoute, ouais. Hey, je te demande. Ouais. Je te demande si t'es prêt à vivre avec elle. Bah ouais, mais si tu vis avec elle. Non, mais vu qu'elle a décidé d'arrêter, donc t'es pas poursuivi pour proxénète. Bah si, parce que tu vis un peu sur son argent. C'est l'argent qu'elle a fait quand elle travaillait. Elle bah ouais, mais de toute manière, ça va être la question que je vais poser par la suite. Voilà, donc si tu vis un peu de l'argent de la prostitution, t'es un macro, donc tu peux tomber pour proxénétisme, même si la pute, elle est à la retraite. Ouais, donc, bon. Donc pour la vie, franchement, c'est chaud, quoi. Il y en a qui se mettent avec des gens comme ça. Hein. C'est du vécu. J'ai vu des reportages. Il y en a qui sont remis avec des gens et qui font leur vie. Hein. Par exemple, tu pourrais toi vivre avec une ancienne prostituée sur le retour ou pas toi? Bah disons si vraiment. Elle ressent quelque chose et puis qu'elle décide. Non mais si vraiment. Elle a de l'argent quoi. Non mais si vraiment elle décide d'arrêter puis qu'elle ressent quelque chose, pourquoi pas? On me dit que tu as déjà vécu avec plein de putes sur le net. Non, mais plein de gens me disent ça. Ça, c'est des questions. Et là, ils viennent juste de rajouter même des grosses putes. Là-dessus, je répondrai même pas sur des questions. Gérard, oui. À la place de Rodrigo, on accueille Ténicien qui écoute Fun Radio sur le 103.5 à Lisa Lagnol. Bonsoir à toi, Ténicien. Oui, il y a erreur. C'est Pénicien, c'est Viva Lagnol dans les glandes. Dans les glandes. Bonsoir Manu, bonsoir toute l'équipe. Bonsoir le sud-ouest. La fréquence. C'est 103.5. Hein. Merci. De rien. Donc alors, moche de nuit là. Ouais, moi je crois que c'est un peu difficile de vivre avec... Avec une prostituée après. Bah ouais, parce que... Imagine, je sais pas si elle pourrait comprendre. Bon, parce que dans les couples, ça se passe pas super bien. Et c'est pour ça que tu vas aux putes. Alors, tu vis avec une pute. Mais comme elle ne te satisfait pas, bah, t'es obligé d'aller aux putes. Mmh. Ouais. Non, mais d'accord. Non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais le problème, c'est si tu la fais revenir, lui, prendre goût à la vie, est-ce que... Prendre goût à la bite, ouais. À la vie. Ah, pardon. Aux vies, ouais. Oh là là là, putain. Mais attends, Gégé, quand tu dis ça, est-ce que tu penses qu'il y a assez de place dans une camionnette de pute pour vivre à deux? Parce que tu dis vivre à deux putes, mais il n'y a pas de place dans la camionnette. Si elle arrête... Putain, mais... Mais attends, mais elle arrête. Les oreilles ou quoi? Elle arrête, mais elle garde la camionnette. C'est pas parce qu'elle arrête qu'elle va revendre la camionnette. Mais elle peut se reconvertir. Dans, je sais pas, elle fait des pizzas dans sa camionnette ou un truc comme ça. Oh là là là. Est-ce que tu crois, toi, qu'il y a assez de place pour être à deux dans la camionnette ou pas? Bah, y en a bien qui vivent dans des camping-cars, hein. Je suis désolé, hein. Ouais, c'est vrai. Même. La bohème. Donc voilà. Super, tu pues là. Super, te pues. Bah en fait, moi j'aimerais bien que quelqu'un décide de vivre avec une pute parce que j'en suis une. Et puis bon, bah j'ai 32 ans, hein, donc je vais quand même. Non, mais l'âge n'a rien à voir. Non, c'est sûr, mais je vais pas faire ça toute ma vie non plus. Donc voilà, moi je serais prête à arrêter effectivement pour quelqu'un qui m'aime. Tu pourrais lui poser la question à savoir ce qu'elle va faire après. C'est qui parle là? C'est Pénicien. Super, tu peux. Non, mais c'est intéressant parce que j'ai un BTS d'action commerciale. Ouais. Moi, j'ai commencé à être pute pour financer mes études et puis comme ça me plaisait et que je gagnais plus, bah, j'ai continué, mais j'ai toujours mon diplôme et je peux exercer quand je veux. Mais ça te sert ton diplôme dans tes activités de pute? Oui, pour la compta. Ah oui. Mais c'est tout. Hein. Pas bête. Pénicien. Oui, bah en fait pour répondre à ta question, moi je dirais que en fait non, je pourrais pas vivre avec une pute sur le retour, même sur le départ, hein, parce que moi je suis très, je suis avec ma copine là et en fait non, je pourrais pas. T'es un mec intègre. Intègre. Ouais. Non mais moi je pense que là, à mon avis, pour reprendre ce que Super Topu disait. Donc, de toute manière, c'est vrai que pour reprendre goût à la vie, faut déjà trouver. J'ai oublié un peu le goût du sperme. Déjà, faut déjà trouver la personne avec qui laver les dents, avec qui refaire sa vie et oublier ce qui tout son passé. Et ça, c'est vrai que ça va être c'est évident. Tu arriverais, toi, Gérard, à oublier le passé de la personne? Ouais. Bah, disons si la personne s'entend bien avec son concubin, pourquoi pas? C'est faisable, c'est possible. Hein, c'est faisable, mais ça demande de gros efforts, on est d'accord. De toute manière, faut être à deux. Voilà, ouais. faut être à deux. Ouais, bon, ouais, c'est vrai. C'est vrai que par la suite, faut qu'elle aille voir des médecins. Bon, c'est vrai. C'est vrai que de toute manière, pourquoi, si elle a... pourquoi tu veux l'envoyer voir des médecins? Non, mais de toute manière, si elle veut vraiment se sortir de là, faut qu'elle aille voir des médecins. Il faut que son concubin l'aide à sortir de ça. Mais allez voir, Gérard, quel genre de médecin aller voir? Des proctologues, des uros? Gérard, te sortir avec une pute, tu trouves pas ça un peu pitoyable? Comment ça? De sortir avec une pute, de faire sa vie avec une pute. Mais ce sont des femmes. Parce que t'auras toujours un doute. Même si elle te dit « je te trompe pas, c'est que pour le boulot », t'auras toujours un doute. Il a pas tort, ouais. Mais c'est gratos. Parce que t'imagines, Gérard, bon, t'es avec, ça se passe super bien, t'es avec cette femme, tout, elle a lâché le métier et tout, et un soir, vous faites l'amour, et boum, juste après... Ah ouais, d'accord, tu ouais, elle reprend, tu vois, crois qu'elle va retomber dedans. Elle peut rechuter, ouais. C'est ce que... Mais même si vous avez des enfants, ça peut être dur pour quelqu'un d'avoir... Mais dans ce cas-là, bon, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il faut pas dire tout de suite, faut pas en parler tout de suite aux enfants. Ouais, mais est-ce que toi, tu lui mettrais, par exemple, des billets de 20 euros sur la table de nuit, comme ça, pour lui faire des blagues le matin au réveil? Non, quand même pas à ce point-là. Il a pas de 20 euros. Ça peut être drôle, hein. Non, je pense pas. Il a pas de si gros billets, Et est-ce que, par exemple, Gérard, s'il est... Imagine cette femme, bon, vous donnez rendez-vous quelque part pour aller au ciné ou au resto, et puis t'arrives en retard, et bon, elle fait les 100 pas sur le trottoir. C'est des trucs, faut faire attention. Non, mais attends, là, on s'éloigne un peu du sujet. Ouais, non, bien sûr, mais c'est toujours, tu sais, par rapport au passé des gens, quoi. C'est bon, stop. On arrête sur cette question-là, parce que là, on s'éloigne du sujet. Non, on est à fond dans les putes, là. On s'éloigne du sujet. C'est pas bon. Une question internet. Oui, beaucoup de questions internet. On est 8721, mon gars, donc ça arrête pas de monter. Hein, c'est bien. Beaucoup de questions sur les Macs. En fait, il y a Bibob qui te demande est-ce qu'une pute peut attaquer son Mac au prud'homme? Bien sûr. Oui, tout à fait. Pourquoi tu développes pas plus? C'est oui. C'est... Non, prud'homme du cul, Manu, tu connais pas. Il peut très bien l'attaquer pour vol et puis c'est tout. D'accord. Donc voilà. Après, il y a Bad Boy aussi qui te demande y a-t-il une date de péremption sur ou sous les putes? Non. Parce qu'il dit qu'il faut se méfier. Lui, il a attrapé des trucs. Non mais ça si il y a des crabes et tout. Non mais si se protège pas au moment d'y aller. C'est vrai. Ah mais si tu chopes des blancs. Non mais tu mets à ton micro pour l'instant toi. Non mais t'éteins ton micro, merci. Donc si se protège pas automatiquement, il pourra attraper toutes sortes de maladies et ça c'est le problème et ça je le dirai. Je ne sais combien de fois sur cette antenne, à chaque fois quand vous allez voir des putes ou n'importe quoi, protégez vous. C'est simple, clair, net et précis. Un bon parapluie. Bravo GG. Une petite dernière pour finir, toujours sur internet, c'est Mike qui te demande quel est l'âge de la retraite pour une pute, s'il y a de la retraite. Mais étant donné qu'ils payent pas d'impôts là-dessus, ça m'étonnerait qu'ils ont le droit à une retraite. Bah comment elles font pour vivre après les putes alors? Bah vivre avec ce qu'elles gagnent, c'est tout. Et justement la question. Il faut mettre de côté. Il faut mettre de côté pendant que... Ça dépend si c'est pas... s'il n'y a pas un trafic, et justement, ça va être les questions qu'on va aborder maintenant. Donc, alors le... Juste une dernière question de Slayer. On me demande si c'est à cause d'une... Pour payer une prostituée que t'as revendu une de tes jambes. Non, pas du tout. J'aurais mieux fait de pas la lire, celle-là. Ouais, celle-là, je crois que t'aurais mieux fait de t'abstenir. Oh, bien. Non, je vais y arriver. Donc, c'est tout. Il n'y a pas d'autres questions. Non, pour l'instant, c'est tout. Et l'autre, elle veut pas répondre. Diana, pour pas la citer, non, elle a pas posé de questions pour le moment. Ouais, elle va se réveiller pour me poser des questions. Elle m'avait demandé elle m'a dit qu'elle voulait en poser. Donc, alors, combien gagne une prostituée environ? Donc, on va s'écouter, oui. Genre, c'est pénitien, là, pour aller dans ton sens, là. Moi, j'ai vu le reportage sur... Attends, on va pas bouffer les questions. Non, mais c'est juste une question que j'ai à te poser. Non, mais alors, dans ces cas-là... Attends. Donc, ça va aller vite. C'est avez-vous regardé les reportages sur la prostitution? Voilà, donc la question, elle est là. Et on va s'écouter les Hugo en camionnette avec mes copines, on crèche à Nanterre. Et on se retrouve tout de suite après au 0825 0850 www.funradio.fr. à tout de suite. Quel talent! Et voilà, c'était les Hugo en camionnette avec mes copines en colère, on crache à Nanterre. Donc voilà, on se retrouve au 0825 0850 suite. Eh ben putain, mais tu vas laisser ton micro éteint, tu vas faire ton boulot comme il faut au standard, ou tu fais tout de casse, là. L'émission la plus crash de la bande FM. Gérard, l'alcoolique, sur Fun Radio. Je t'avais prévenu, GG. Il a tout capté, là. Je t'avais prévenu, GG. Non, non, mais c'est pas grave. Excusez, mais c'est bon, c'est bon. Donc un petit cafouillage, donc voilà, donc vous êtes bien c'est le métier sur, sur les débats des prostitutions. Donc on va continuer, donc toujours sur le chat de www.funradio.fr, Manu. Toujours exactement. Au standard, Thomas et Laurent. Bonsoir Gérard. Salut Gérard. Et à l'AREA, Léo, qu'on retrouvera tout à l'heure. Voilà. Ça donc, change les platines du Queen, hein. Avez-vous regardé les avez-vous pas regardé les reportages hein, sur la prostitution? Non, non, mais merci. Ouais, Laurent abuse pas, non. Eh, c'est bien quand je pose ma question que vous parlez sur ce que je dis. Donc, avez-vous regardé le reportage sur les prostitutions? Donc, on va demander à Boule de Gâchette. Alors, moi, j'ai pas regardé tous les reportages. Il y en a eu quand même trois d'affilée. Hein. Alors ouais, je t'ai dit, je les ai pas tous vus. Par contre, je regarde souvent des putes directement. Mmh. Donc en fait, ça devrait, tu vois, je devrais pouvoir m'en sortir au niveau des réponses, même si j'ai pas vu tous les reportages, quoi, en fait. Mmh. Parce que je vois des putes aussi, voilà. D'accord. Viens me voir, toi. Toi, je te vois souvent, ma cochonne. Ah, c'est bon là. Pardon. Elle tourne. Hein. Merci. Moche de nuit. Ouais, moi j'ai regardé l'émission de Bernard Tampi. Bon, voilà quoi. Ok, donc t'as regardé. C'était vraiment pas ce qu'il y avait de mieux. Hein. Ça, on peut pas dire. J'aurais mieux fait d'aller au pute directement. Hein. Ouais, mais super bon. Topu. C'est clair. c'est le soir ces émissions là. Ouais. Bah, moi, je travaille, donc j'ai pas vu. D'accord. Bah, t'as pas une petite télé dans ta camionnette, un truc? Ah, je ne travaille pas en camionnette. Ah, Pénicien! Oui, Gérard, pour répondre à tes questions, en fait, ouais, j'ai vu, l'envoyé spécial, là, spécial prostituée, avec les deux bonasses, là. Mmh. Et, en fait, j'étais un petit peu choqué parce qu'à un moment, il y a une pute, tu vois, qui s'embrouille avec son macro. Et que, en fait, son macro, il voulait la carotte sur ses cotisations putronales. Donc moi je me suis dit bon même chez les putes il y a des magouilles, donc c'est chaud. Je sais non pas mais, si t'as vu non le reportage. Mais c'est moi j'ai regardé les trois reportages qu'il y avait, mais pas celui de Tapi parce que il l'avait déjà fait 15 jours avant. Ouais, t'as tu vu trouves ça normal celui de Télématin ou pas, tu l'as vu? Non, c'est pas le matin que je regarde la télé, c'est le soir. Il y avait un spécial prostitution dans Télématin aussi. Hein, ouais, mais de toute manière le mieux c'est de manière fallait regarder l'envoyé spécial comme je sais plus qui c'est qui me l'avait dit là. Ouais. C'est Pénicien, je crois. Envoyé spécial, oui. Donc il y avait ça, il y avait aussi un reportage sur dans les chats de pêche chez Capitaux qui parlait de ça aussi. C'est quoi ça? La pêche, les macros. Avec Julien Courbet, tout ça. Ah oui. Sur TF1. Ça, c'est des émissions de merde. Non mais c'est vrai que là, à un moment donné, je sais pas ce qu'il y a eu, c'est que toutes les chaînes sont mises en parler d'un seul coup. Ouais, ça de la pute, ouais. Mais Gérard, j'ai et toi une aussi, question, vu que Gérard, tu le fais ce soir. Tu fais non. Débat, hein. Aussi. Vas-y. Gérard, forcément. C'est peut-être Gérard. Oui, oui, oui. Attendez. Qui c'est qui me parle au premier? C'est moche de nuit, là. J'ai une question à te poser, puisque t'as regardé toutes ces émissions. Je voulais savoir si ça t'avait donné envie d'y aller aux putes ou pas. Non, pas du tout. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'attraper des maladies. Bah ouais, mais tu mets une capote. Ouais, non, mais même les trois quarts du temps, c'est pas tellement bon. Bah, à mon avis, c'est écoute, toi qui moi j'ai vraiment une solution. Tu mets trois capotes, ça laisse celle du milieu propre. C'est ça. Merci. Ça, Manu, c'est la dernière que tu fais parce que j'ai horreur des photos pendant mes débats. Je sais bien, mais c'est pour le site. Ouais, non, mais moi je te dis, j'ai horreur de ça. Super, tu voulais me poser une question? Oui, mais je me souviens plus de ce que c'était. Bon, bah d'accord, bah quand tu l'auras. Ah, si, je voulais te dire qu'en fait tout le monde en parle parce que c'est une loi qui va passer au Sénat et en fait c'est pour ça que tout le monde en parle, quoi. Justement. Pas de politique, là. Non, mais justement. Et ça, c'est très bien la question qu'elle vient de dire. Ah, bah merde. Parce qu'en fin de compte, c'est vrai que c'est un truc qui va falloir bientôt que ça cesse. Bah ouais, hein. C'est quoi, la politique? Non. Qui est con, celui-là? Oh, tu l'as cassé. Oh, tu m'as calmé. N'importe quoi. Donc voilà, justement, on va revenir sur ce que disait. Sur une pute, ouais. Super Topu. Ouais. Donc, y a-t-il plus de prostituées en France que dans d'autres pays? Et on va en mettre deux d'un coup, comme ça, on va accélérer le débat. Alors, la première, c'est, y a-t-il plus de prostituées en France que dans d'autres pays? Et y a-t-il un trafic dans la prostitution ou autre? Voilà. La prostitution? Dans la prostitution, oui. Ouh, et ça existe. Ouh, justement. Et ça, on va. Donc, Pénicien, tiens. Alors c'est, là tu viens de faire une double là. Ouais, ah ouais, j'en pense tout d'un coup parce que vu l'heure qu'il est, faut quand même qu'on active. Hein. Faut qu'on trace, on n'a pas que ça à foutre nous. Hein. Vas-y, tu peux me la refaire la double. Alors y a-t-il plus de prothèses tués en France que dans d'autres pays? Ouais. Ça c'est la première question. Ouais, et la deuxième question, y a-t-il un trafic dans la prostitution ou autre? Donc en parlant de trafic dans la prostitution, ouais. C'est que super. Topu disait. Donc, c'est une histoire avec l'histoire du gouvernement, tout ça. Hein. Donc, ah voilà bah oui. les questions. Ah bah ouais. Alors, pour répondre à ta question, Gérard, je te dirais qu'en fait, nous, en France, on a une réputation d'aller souvent aux putes, nous, les Français. Et qu'en fait, donc on a cette image de marque à soutenir aux yeux du monde. Mmh. Et sur le trafic, c'est vrai qu'il y a du trafic, tu vois, surtout sur Paris, tu vois, sur les maréchaux. Il y a beaucoup de putes roumaines. Et en fait, c'est la mafia roumaine qui s'occupe de tout ça, quoi. Donc alors pour toi donc sur la première donc il y en a plus en France, ouais. Et donc il y a pour toi il y a un trafic. Ouais. C'est ça que tu veux répondre à la deuxième aussi en même temps. Voilà, tout à fait. OK. Boule de gâchette. Ouais, alors moi je suis d'accord avec ce que tu as dit là au niveau du gouvernement. Hum? Donc effectivement, il y a des trafics de putes au niveau du gouvernement, ça c'est clair. Il y a de la call girl qui tourne. Deuxièmement, ce qui concerne la France, t'inclus quoi dans France? Il y a aussi les dom-toms. Dans d'autres. Y a-t-il plus de prostituées en France que dans d'autres pays? Donc, si je parle d'autres pays, automatiquement, je parle des dom-toms et tout ça. Ouais, donc, au niveau des dom-toms, ben, je sais qu'au Canada, il y en a pas mal. Mmh. Par contre, je sais pas, en Europe, tout ce qui est Brésil, etc., c'est quand même moins touché que la France. Il y a moins de prostituées roumaines, comme disait l'auditeur, au Brésil, que en France, par exemple. Tu vois. Mmh. Bizarrement, on se demande pourquoi. On importe beaucoup du Brésil, quand même, hein, faut le dire. Mmh. Ah, mais on exporte peu, quand même. C'est ça qui est dommage, tu vois. Est-ce qu'on pourrait pas exporter 2-3 laidrons, là, français, les Anglais? Ah ouais, ça bien. Parce qu'il y en a marre de récupérer. Il n'y a pas que du Brésil, hein, justement. Ouais. Non, mais comment ça se fait qu'on garde toutes nos meufs poubelles et qu'on les envoie pas un peu chez eux aussi alors qu'eux, ils envoient leur meufs, quand même. Match de nuit. Moi, écoute, je suis d'accord parce que c'est vrai que quand tu vas à l'étranger, dans les pays de l'Est, tu vois, tu vas faire un peu de tourisme et que tu veux t'envoyer une petite pute comme ça, hein, parce que ouais, t'es en vacances. Une grosse. Bah, t'en trouves pas, elles sont toutes en France. Voilà. Et quant au trafic, je dirais qu'il y a énormément de trafic. Surtout le vendredi vers 18h. Ouais, non, mais ça, de toute manière, qui c'est qui n'a pas répondu? Super Topu, ouais. Super Topu, ouais. Je pense qu'il y a plus de putes françaises en France qu'à l'étranger. Et tout à l'heure, quand tu parlais des autres pays, est-ce que tu inclus aussi les ambassades? Parce que des fois, les putes, elles vont voir les démocrates, tu vois. Mmh. Et est-ce que tu inclus aussi l'ambassade qui est un territoire de l'autre pays? Non mais s'il y a, c'est que bien sûr parce qu'on passe on va revenir là-dessus. Parce que juste si je peux préciser, c'est que c'est vrai. C'est moche de nuit parce que c'est vrai qu'il faut préciser quand même que les soirées de l'ambassadeur sont toujours très réussies. On sait pourquoi. On sait que c'est dans la boîte à suchard quand même. C'est clair. Il y a même des petites noisettes et tout. Il y a une petite question question internet. Tu parlais de tu sais des prostituées qui venaient de l'étranger tout ça et il y en a beaucoup qui viennent d'Ukraine, Yougoslavie, Slovénie, un truc comme ça et en fait tu sais que la France elle fait un match de foot bientôt contre la Slovaquie. Non mais ça on me demande donc s'ils devraient pas boycotter ce match les joueurs. Non, pourquoi? Je vois pas le rapport. Ah, parce que en fin de compte, non, mais je vois pas le rapport avec l'exportation clandestine de prostituées. Non, mais je vois pas le rapport avec le débat parce que en fin de compte, ce qui se passe, c'est que s'il y a de la prostitution en France, tu me diras, il y a quoi? Il y a peut-être une. J'en côtoie souvent des barbus. Non, mais il y a. Gégé, oui. Il faut qu'il boycotte les putes, il faut pas qu'il boycotte le match. Non, mais laissez-moi répondre à la question. Est-ce que c'est pas un match de putes aussi? Non. Oui. Non, mais ce qu'il y a, c'est que faut vous dire une chose, c'est que s'il y a des putes qui viennent de l'étranger, c'est qu'elles sont emmenées par des personnes qui la forcent à venir en France. Parce que regardez en Italie, il y en a. En Espagne, il y en a. En Angleterre, il y en a. En Allemagne, il y en a. Il y en a à peu près dans tous les pays. Et ça, c'est des personnes qui vont les chercher, qui les forcent à venir, à travailler et à récupérer leur pognon. Voilà, c'est tout. Voilà. Eh, qu'est-ce que je viens de dire, là? Non, c'était sur moi la photo, Gégé. Ah, mais même. Il y a Gégé. Excuse Gégé. Il y a une autre petite question internet de Diana justement, hein, donc tu vas être content, qui me demandait si une pute peut aller voir une autre pute. Ça existe, ça, hein. Ça existe, il y en a. C'est parce que des fois dans la profession, où, tu vois, entre collègues, tu te rends des services, tout ça, est-ce que ça marche aussi chez les putes? Bah, bien sûr. Si elles ont donc, pas, t'en, si elles ont... t'en es sûr quand même. Donc, si elles ont pas cette pognon, si elles ont pas cette pognon, ben, elles essayent de s'aider entre elles. Elles se filent des coups. Regarde, hier, si t'as, comme, t'avais envoyé Perrin là-bas, rue Saint-Denis. Hier, oui, bien sûr, c'est moi qui l'ai envoyé, ouais. Donc, Perrin, il a discuté avec deux prostituées. Et donc, les deux prostituées, donc, elles essayaient de faire quelque chose entre eux. Donc, voilà. Alors, que risque une prostituée et qui n'est pas en règle de papier? Alors, je précise bien, pas les règles de sang, pas ces ragnanés, hein, les règles de papier. D'accord? Avant, oui. Si on pouvait un petit peu parler de l'économie de dans le milieu de la prostitution, ce serait bien. Par exemple, ce serait bien qu'on exporte nos vieilles putes en fait, et qu'on importe par exemple des putes du Brésil qui ne prennent que 10 € pour l'amour et 30 € pour la pipe, enfin des doubles peignées. Attendez, parce que je crois que Perrin hier il a demandé les tarifs et je crois que ça tournait entre 20 et 50 €. Ouais, mais ce qui est bien avec les putes, je crois que c'est 20 pour la pipe et, ouais, et 50 pour l'amour. Je sais pas si on peut appeler ça de l'amour. Qu'est-ce que t'en penses? Personnellement, non. C'est un truc philosophique, non, mais Gérard, oui. C'est moche de nuit, et si ça se trouve, c'était un tarif spécialement pour Perrin. Hein. Ouais. Bah, c'est beaucoup moins cher, peut-être. Il en profite de travailler à FUN. Mais il en profite pour aller voir les putes aussi. Tu trouves pas que ça a augmenté un peu les prix par rapport à avant? Bah, je sais pas, moi, j'ai pas eu l'occasion de... Par rapport à avant, pas maintenant, mais avant, quand je veux dire, tu te souviens, tu trouves pas que ça a augmenté un peu par rapport? Bah, je sais pas, moi je te dis, j'ai pas eu l'occasion d'en fréquenter des... Ouais, Gérard, c'est moche de nuit encore, j'ai une question. Oui. Parce qu'il y a une rumeur qui dit que, et là peut-être Super Tepu à pouvoir confirmer, je sais pas. Il y a une rumeur qui dit que, bon, bah, sur les aires d'autoroute, quand il y a les routiers, les automobilistes qui s'arrêtent. Moche de nuit. Ouais. Tu te calmes un peu parce que J'ai dit que c'était une rumeur. Ouais, non, mais moi je te dis, tu te calmes un peu parce que c'est la... C'est une rumeur, alors j'aimerais que soit tu confirmes, soit tu infirmes. C'est ça. Moi, j'ai commencé sur les aires d'autoroute, hein, parce que c'est là que t'as le plus de clients. Ouais. Bon, alors maintenant, attends, super, tu peux, t'as pu. Donc la question, c'est pensez-vous que les routiers vont garder prostituées? Si oui, pourquoi? Bien sûr, t'es content, moche de nuit. Tu peux répondre, Gérard, t'es plus confirmé dans ce domaine-là. Gérard, sur le net, on me dit, c'est bizarre, parce que ça revient à la question d'avant, une pute qui va avoir une autre pute quand un routier va avoir une pute. Bah, la preuve, là, la question. Mais non, mais je sais pas si, tu vois, je sais pas si t'as capté. Oui. Quand moi, par exemple, j'ai envie d'aller voir, de me taper un mec, il y a des mecs putes. Ça s'appelle des trablos. Non, des gigolos. Des trablos. Les travaux, je croyais qu'ils avaient une chatte. Des travelots. Non, ils ont une chatte, les travelots. Ouais, bon, enfin, bref. Vous répondez à la question, là? Il y a un portable. Eh, Laurent, ça commence à bien un faire. Il y a un portable. Eh, Laurent. Portable. C'est quoi ce portable? Non, Laurent. Il prend les appels et tout. C'est pas grave, j'ai une autre... Oh, il abuse. Dans le débat, Gérard. Laurent. Excuse-moi. T'éteins ton portable ou sinon tu sors. Excuse-moi. Merci. Question internet. Oui, mais je l'ai zappé, donc je vais en prendre une autre. Il y a PTBS qui te demandait, est-ce qu'un BEP trave a la même équivalence qu'un CAP de vendeur de yaourt en fac? Non. Non? Non, puis il n'y a pas besoin de... J'ai déjà répondu tout à l'heure à cette putain de question, donc. C'est pas grave, il y en a une autre. De rectum de ouf, qui te demande, y a-t-il un diamètre minimum de dilatage du rectum pour être pute? Non plus. On est combien sur le site internet? Merci quand même là. Ne bouge pas. Faut peut-être développer un peu quand même. Ouais, parce que là. Là, on est. 8752. Combien? 8752. Très génial, exactement. Ouais, bon, c'est pas génial. Non, c'est pas le top, mais bon, voilà. Laurent, dehors. Okay. C'est plus possible. Laurent. Hop, terminé. Allez. Ouais. Allez, hop, c'est fini. Truc, là. C'est pas bien. Là. C'est fini. Pensez-vous que les routiers vont voir des prostituées? Si oui, pourquoi? Donc, pénitien. Ouais, alors moi je pense que effectivement, bon, déjà les routiers ils ont cette réputation d'aller voir souvent des prostituées. Mais c'est ça le problème que. Ouais, bon, bah c'est une mauvaise réputation, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, c'est dans les mœurs, c'est comme ça. Donc, c'est vrai qu'ils ont la réputation de se décharger dans les putes, Mais bon, c'est comme ça, les gens y croient ça, mais bon, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, parce que les routiers ils font leur métier, et de temps en temps ils se tapent des putes. Ouais, mais pas tout le temps. Super, tu pues. La fréquence. Ma fréquence 113.3. Moi, je pense que. Attends. Mais qui c'est qui te demandait ta fréquence à toi? Je sais pas, j'ai entendu demander. Non, c'était la fréquence des rapports des routiers par rapport aux putes. Tu m'as demandé ma fréquence. Non, mais moi j'ai jamais. Par mois. J'ai jamais demandé ta fréquence parce que ta fréquence gelée, c'est 103.3, voilà. Donc, alors pour toi. Si à mon avis. Merci pour le micro. C'est pour se vider les couilles, voilà. Ouais, ok. Moi je donne oui. Bah, moi je sais pas si finalement les routiers. T'as eu ça, Chico, là? Je sais pas si les routiers ils ont tellement le temps que ça de s'arrêter pour voir les pour aller aux putes quoi parce qu'ils ont des horaires assez chargés et moi je pense que pour vérifier ça faut regarder dans il y a des boîtes noires des trucs comme ça quoi donc faut approfondir de ce côté là. Est-ce que tu penses Gérard est-ce que tu penses que les macros ils relèvent la boîte noire des putes? Ça, j'en sais rien s'il y a des boîtes noires. Hein. Il n'y a pas de contrôle. Boule de. On me demande si toi ta boîte elle est noire. Non. Fait, sur le nom. Ouais, c'est des questions cons donc je répondrai pas. Jambe, ouais. Non mais arrêtez avec les questions bidons sur l'internet. Vous avez compris les gens arrêtez hein, c'est mal. Boule de gâchette pour alors, finir. Bah oui malheureusement moi je crois que effectivement les routiers vont voir des putes. Le problème c'est que les gars. Si oui pourquoi? Alors pourquoi? Bah parce qu'il faut que les vieilles putes moches elles baissent aussi quand même. Et le problème c'est qu'en fait les gars ils s'arrêtent sur les aires d'autoroute, ils perdent du temps à limer. Les aires de repos, pas sur les aires d'autoroute, pardon, merci. Les aires de repos, les gars ils perdent du temps à limer des boulets, tu vois, et après les gars ils sont obligés d'appuyer sur le champignon pour pouvoir rattraper le temps perdu, ils font des cartons. Hein? Donc en fait la pute pour le routier c'est vachement dangereux, tu vois. Parce que s'il n'y avait pas de pute, je pense qu'il y aurait moins de cartons parce que les routiers seraient moins pressés. Non mais alors là je pense que... Tu vois ce que je veux dire? Non mais moi, pour l'instant, bon, moi je vais prendre un peu la défense des routiers. En même temps, d'un autre côté, si je peux faire... Ouais, si je peux dire le contraire, en même temps, le routier, s'il se pignole au volant pendant qu'il conduit, ça peut créer des accidents, donc c'est peut-être... Ça te répond aussi. Non mais moi je vais prendre non mais là moi je suis pas d'accord avec ce que vous dites parce que là vous salissez quand même le métier des routiers. Non mais moi j'en ai fait partie mais de toute manière c'est pas pour ça que j'ai été voir des putes. Tu les salis quand même un petit peu rien que non. Gérard, personne écoute. Gérard, excuse-moi c'est moche de nuit, j'ai une question parce que tu as l'air de maîtriser un peu ce métier. Les putes ouais. Non, le métier de routier pas le métier de des putes. Je voulais savoir parce que si bon pour arrondir un peu les fins de mois, un routier décidait de faire des passes comme ça, est-ce que ça deviendrait, on pourrait dire, qu'il ferait un métier de putier? Non. Non, là, je crois que... Est-ce que toi, Gégé, tu crois que pour arrondir des rondelles, le routier, il peut prendre une prostituée dans sa cabine? Est-ce que c'est autorisé? Non. Ah, stop. Bon non, bah, c'est interdit. C'est interdit. Donc voilà. Donc la question. Il la prend dans la cabine. Dernière question. Gérard, la photo. Oh, mais arrête, un peu dans l'idée. Oh là, ça va taper. Là, ça tape. Ça y est, ça tape. Fais gaffe, la dernière fois que tu t'es tapé comme ça, tu t'es cassé une main. Arrête, Olivier, dégage. Dégage. Bon, j'en profite pour poser une question internet, Gégé. Oui, j'écoute. Dégage. Alors, il y a Diana qui te demande s'il existe des assurances pour putes. Comme la Maïf ou non. Comme As. Moi, non, il n'y a pas d'assurance là-dedans, malheureusement. Il y a la fuck-mute, quand même. Il n'y a pas d'assurance. Non. Et sinon, il y a Lapinou qui me demande si les putes, elles vont acheter leur camionnette de fonction au salon de l'auto, comme c'est en ce moment. Non, il y avait un stand ou un hall. Non. Bon, donc, alors, que risque une prostituée qui n'est pas en règle de papier? On va s'écouter Jacqueline Lachaudosse avec un doigt, c'est bien. Et un point, c'est mieux. Et on se retrouve tout de suite après au 0825 08 5000 pour la suite et fin du débat sur la prostitution. À tout de suite. Si je peux me permettre, Gérard. Permets-toi. Le SDF et son débat. Eh bien putain, mais tu vas laisser ton micro éteint, tu vas faire ton boulot comme il faut au standard, ou tu fais tout de casse, là. L'émission la plus trash de la bande FM. Gérard, l'alcoolique, sur Fun Radio. Et voilà, donc on venait de s'écouter Jacqueline Lachaudasse avec un doigt, c'est bien. C'était et bon, d'ailleurs. Un point, c'est mieux. T'as pas aimé? Si, c'était pas mal. Ah, moi j'ai bien aimé. Putain, j'ai même pas... Ah ben bien sûr, si on m'a coupé tout là, c'est pas bon hein. On t'a coupé tout. T'es circoncis. T'as plus rien. Bon alors donc je répète, c'était Jacqueline Lachaudasse avec un doigt c'est bien et un point c'est mieux. Donc et voilà, donc suite et fin du débat sur la prostitution. Donc alors, question internet. Question internet, oui, donc ça a bien bien monté là, on est à 9561. Ce qui est quand même sympathique. Hein. Et ta chère Diana qui te demandait si une pute pouvait prendre plusieurs clients à la fois. Plusieurs clients à la fois, c'est quand même assez dur, mais pourquoi pas, ouais. Toi, quand tu faisais ce métier, Non, moi j'ai jamais fait ce métier-là. Ne dis pas n'importe quoi. Je sais pas, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui disent ça. De vachement bien t'y connaître, en fait. Hein. Moi j'ai jamais fait ce métier-là. Par contre, il y a des questions sur Internet. Moi, jamais j'oserais te les poser, mais bon, c'est eux qui veulent. Le truc, c'est que en fait, ils te demandent tous si par hasard, tu vois, étant donné que tu sortais avec Sandy, tu vois, que Sandy, elle se tapait Henri. Je suis la voix du peuple, Gérard, tu ne peux pas m'interrompre. Et donc, de fait, est-ce que toi, vu que Henri se tapait ta pute d'ex-femme, est-ce que toi tu ferais pas le Mac en fait et tu prenais l'argent de Henri? Que risque une prostituée qui n'est pas en règle avec ses papiers? On va demander à Boule de Gâchette. Il a pas répondu là. Non mais je répondrai pas à cette question. Donc à Boule de Gâchette. Les auditeurs, t'as viré Laurent, moi je sais pas utiliser ce truc là donc. Bon alors. Oh Thomas. Attends, ouais, je vais faire, j'essaye. J'appuie sur R. R2, j'en rappelle. R2D2. Ouais. Non, à droite là. R. Comme ça. Ok. Non, ça marche pas. Merde. Laurent, viens m'aider. Tu vois, t'es nécessaire quand même. Il y a un problème qui se passe. C'est la mouise. C'est bon, je peux. Bon, Gérard, pas de problème. Que risque une prostituée. Laurent revient. Bon, Manu. Ton portable. Ouais, ça y est, c'est éteint, ça y est, terminé. Je suis là. Alors, que risque une prostituée qui n'est pas en règle de papier? On va demander à Boule de Gâchette. Juste, laisse-moi le temps de m'installer. C'est reparti. Parti. Voilà. Non, mais vous allez vous foutre de ma gueule longtemps, là. Il est là, ça risque. Pas de problème, voilà, terminé. Allô? C'est Rodrigo, moi avoir fini avec lui, on doit venir maintenant. On doit venir, moi de faire la totale. Moi avoir fini. Moi de sucer ta quéquette de lépreux contre des tickets resto. Moi venir, total éclatche dans ton anus. Moi de prendre juste un bob fun radio. Fun radio, total éclatche dans ton anus. Moi venir chercher bonheur maintenant dans camionnette à moi. Moi venir, moi te jouir sur pectoraux à toi. Moi venir. Moi être extraordinaire au Brésil, moi faire simple imposition de ma quéquette sur tes pectoraux. Boule de Gâchette, une fois. Guérir rhumatisme, problème d'alcoolisme, tout guérir à toi. J'ai plus rien, moi. Toi venir. J'essaie de comprendre. Toi venir. Débat va être vite plus vite. Oh non. Non, GG, c'est bien là. Boule de Gâchette. Alors, prostituée qui n'aurait pas de papier. Que risque une prostituée qui n'est pas en règle de papier? Si elle n'a pas de papier, il faut qu'elle s'essuie quand même de temps en temps. Il y a des feuilles dans le bois. Hein. Voilà, tu fais avec un journal ou un truc comme ça, quoi. Ah, sinon, c'est chaud, ça s'accumule, après ça macère. Ah, ça fait des croûtes, hein, c'est dégueulasse. Oui, putain, mais des croûtes quand même. Moi, il sait ce que c'est. Vous comprenez la question ou pas? Bah oui, tu risques des croûtes quand même. C'est ça en fait. N'importe quoi. Moche de nuit. Moi venir, toi être monoboule, moi te faire tic-tac. Moche de nuit. Moi qu'avoir les couilles, viens toi venir, toi t'as les clashs dans la camionnette. Mais c'est marrant, on dirait que vous avez... Gérard, vous avez appelé un numéro spécial là parce qu'il y a une personne de consonance brésilienne qui parle. Par exemple, la position de ma quéquette, tu guéris tes rhumatismes. Et Ronaldo, il va t'exploser. Va guérir tes problèmes d'alcoolisme. Toi venir, camionnette. Gérard, j'ai l'impression que cette personne veut poser son sexe sur tes pectoraux. Masse de nuit, tu réponds à la question. Ouais, bah écoute, c'est un peu comme tout le monde, hein. Pas besoin de faire pute pour savoir si tu veux que, bon, bah si t'as pas tes papiers, t'es dans la merde quand même. D'accord. Putain, vous répondez pas compris, hein. Super, t'as pu. Effectivement, tu peux finir plutôt dans un endroit sombre et peu fréquentable. Mr. Cousin. Ça balance là. J'ai quelques petites questions internet si tu veux, Gérard. Tu veux ou pas, Laurent? T'as pas l'air de vouloir. Faut venir. Soit tu fais ton boulot correctement ou tu vires de standard. Non, attends, j'essaie de le faire correctement. Regarde, je suis parti, tu m'as foutu dehors, je suis revenu, il n'y avait plus d'auditeurs, j'essaie de faire mon mieux. Et ça y est, je me fais engueuler. Donc, non, il faut que tu y a Boule de Gâchette, il y a Moche de Nuit, il y a Super Topu, et il y a Pénicien normalement qui sont toujours là. Les autres, je ne les veux pas sur l'antenne. On est là, monsieur Cousin. Mais tout le monde est là. J'ai envie de câlin, Oula. On t'attend, hein. Toi venir, toi venir, toi venir, Gérard. Bon, Gégé, fais quelque chose là, gère un peu. Deux abricots, ta gueule! Attention, ouais, on va se calmer un petit peu. Oh là là, bassine, entre les grossesses, ding-dang-dong. Excusez-moi, j'aime bien cette petite ritournelle. C'est un Gérard. Bon, Gérard, pour remettre tout ça... dans deux petites questions internet, si tu le permets. On me demande si tu peux faire prostituer par intérim ou autre. Non. Donc tu peux pas faire non. Genre McDo le matin et pute la nuit. Non. Non, ok. Par intérim, c'est mieux payé en plus. Bah ouais. Bah ouais, mais... Donc c'est con. Non. Bah développe un peu, je sais pas. Non, je te dis non. Sinon, ils font pas ça, Manpower. Non. Attends, donc à après... chaque fois, tu réponds négatif ou positif. Non, mais attends, toi, ça fait plus d'une heure que t'es en train de jouer avec au con avec le téléphone. Bah, j'essaye de comprendre. T'essayes de rien comprendre du tout. Moi, t'es en train de faire le con, alors c'est bon. Et on me demande aussi, peut-on payer une pute en nature? C'est Elle Barto qui me demande ça. Une pute en nature? Ouais, est-ce que bah tu déjà, peux payer tu une pute en nature? En liquide. Tu la payes en euros. Aussi en liquide, ouais. Bah non, mais tu la payes déjà en euros, donc ça suffit, voilà. Hein. Non, voilà. Là, je comprends, là. Super te pue. Ouais, c'était quoi ta question? Alors, que risque une prostituée qui n'est pas en règle de papier? Donc, pas des papiers, comme j'ai entendu dire, boule de guéchette et moche de nuit, là. Tu m'as répondu. Alors, pénicien, pour finir. Est-ce que tu peux me répéter la question? Parce que non, tu viens d'entendre, je répète plus la question maintenant. Mais j'étais en antenne avec Lolo. Non. Moi je dirais oui. C'est vrai si tu crains que t'as pas tes papiers. Ouais, ça craint. Parce qu'il faut, si jamais les flics ils arrivent dans la camionnette et que la pute n'est pas en règle, elle peut pas travailler. Hein. C'est vrai que ça craint. Ça craint de la nuit. Est-ce que tu crois que la pute elle a pas ses papiers dans la camionnette, GG? Elle peut se faire embarquer dans la camionnette des flics. Bah bien sûr. Donc en fait elle passe de camionnette, c'est une tournante de camionnette quoi. Bah de toute manière s'ils sont pas en règle avec leur papier d'identité, automatiquement ils vont au commissariat. Alors, puis attends, c'est tout. Mais après elles sont relâchées. Mais c'est bon. Mais ouais. Elles peuvent gambader dans la nature. Mais elles sont relâchées après, donc c'est bon. Alors voilà, terminé. La question est close. Pour relâcher. Que pensez-vous des films porno à la télé? On va demander à Pénicien. Okay. C'est quoi le rapport? Non, mais il n'y a plus. Ouais, on est plus avec dans le débat. Ah là, on est plus dans ta la gueule putain. À toi! Ah, ouais. Non, mais là, ferme ta gueule! Non, mais Laurent, ferme ta gueule. Non, mais Gérard, on n'est pas du tout dans le débat là. Si. Pourquoi la prostitution, les films porno à la télé, c'est strictement pareil. Pourquoi? Parce que les filles qui font du porno sont des putes. C'est ça qu'il veut dire. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Pénicien! Pas d'amalgame. Tu veux dire qu'en fait, les hardeux, c'est des putes quoi. C'est ça que tu veux dire? GG. Que pensez-vous des films porno à la télé? Ouais. Moi, je pense que bon, il faut pas montrer ça aux enfants. Et que, bon, sur M6, sur les chaînes RTN, bon, ils passent le film de cul à M6. Bon, oui. Ça, c'est à la rigueur, c'est bon enfant, c'est bon esprit, c'est vite fait, touche pipi, frotte poil, tout ça. Mmh. Mais par contre, ouais, les pornos sur Canal+, c'est bien que ce soit crypté. Par contre, il y a des petits filous qui regardent quand même. Et ça, c'est des yaourts. Ouais, c'est vrai. Et qui se tapent des queues. Comme Manu. Ouais. Quoi? Manu qui a fait croire qu'il était malade alors qu'il se tapait des queues au lieu d'être malade. Oh, putain, mais tu m'as démasqué, salaud. Tu m'as démasqué. Comment il va? T'as dit que t'étais malade alors que t'étais en train de te taper des branlettes avec ta meuf. Non, je suis cassé, tu m'as brisé. C'est pour ça que t'es en bas. Super topu. Super topu. J'ai peut-être m'en faire une là d'ailleurs. La question c'est quoi? Oh, regarde. Elle vise les yeux à GG. Que pensez-vous des films porno à la télé? Ouais, mais ça a rien à voir. Hein. Ça a rien à voir, les actrices porno, c'est pas des putes. Non, ouais, mais même t'en as dedans. Hein. Ouais. Je suis désolé. Moi, je suis d'accord avec toi, Gérard. Bon, alors moche de nuit. Si je peux non, mais est-ce que tu. Parce que, est-ce que toi, tu penses que, en fait, si tu. Le fait de payer une chaîne à péage qu'on citera pas, parce que, hein, pas de marque. Ouais. Mais est-ce que. Et pour se taper une branlette, en fait, ça équivaudrait à aller voir une professionnelle? De toute manière, je répondrai après, donc boule de gâchette. Mais pourquoi tu réponds pas maintenant? Bah, je réponds après que tout le monde ait répondu, c'est tout. Ouais, boule de gâchette. Alors, la prostitution, les films de cul, il faut quand même aussi parler des nanas qui ont les seins à l'air dans les pubs pour les savons, là, pendant la pause pub. Et puis les meufs qui ont les fesses à l'air dans les catalogues de la Redoute, hein, c'est pareil. Hein. Tout ça, c'est pareil, prostitution, films de boule, catalogue de la Redoute. C'est crado, là. Craché dans la camionnette. Bon, donc, alors moi ce que je reproche, et ça c'est sans pour parler justement comme Super Topu disait tout à l'heure avec les histoires de trafic. C'est donc t'as fermé ma gueule pour un instant quand je réponds, merci. Ouais. Donc, c'est pour répondre à ce que disait Super Topu tout à l'heure sur une question. Donc, en ce moment, c'est en pourparler. Laurent, tu éteins ton micro, s'il te plaît. Il est éteint. Ouais, mais tu l'éteins et c'est tout. Donc, c'est en pourparler avec le gouvernement que toutes les chaînes qui font qui vont voir des films porno à la télé seront sanctionnées. Oh, le téléphone portable! Eh, hey, mais ça commence à bien faire, là! Il est éteint, c'est le tien. Non, c'est pas le mien, il est éteint. C'est pas le tien, qui l'appelle. C'est pas possible. On pèse mes cœurs. C'est une machine à laver. Hein. Ouais, c'est une machine à laver. Et t'as déjà, comme tu dis, si je peux me permettre, tu dois l'utiliser. Alors, il y a un nombre incalculable de personnes qui nous appellent au standard pour savoir si toi-même tu as fréquenté une pute et quelle a été ta propre expérience. J'ai dit que j'y avais pas été voir une pute. Ah non, tu veux dire. On me dit fréquenté. Sur le net, c'est faux. T'as dit que les routiers avaient fréquenté des putes. Ouais, mais moi, j'ai pas fréquenté ce milieu-là, d'accord. Alors, j'ai déjà répondu à cette question. Maintenant, ça suffit. Et tu fermes ton micro et tu fermes ta gueule en même temps. Sinon, Gérard, sur internet www.funradio.fr, il y a Cousin Boy qui me demande si on peut faire pute en R14 grise. Je réponds pas avec c'est le meilleur rendement. Je ne répondrai pas à des questions cons comme ça. T'as compris, Cousin Boy? Donc voilà. Ah, bravo. Alors donc pour finir sur la question, que pensez-vous des films porno à la télé? Donc maintenant ça va être sanctionné. Bah, t'as sucé pour du pinard quand même. Ta gueule toi. Alors au hasard, match de nuit, au revoir. C'est pas moi. C'est pas lui. En plus il s'est fait niquer, c'était du jus de raisin. Je voulais pas le savoir. Il s'est fait carotte. Ouais, c'était pas le bon. Là. Je m'en fous, mais fais gaffe parce que boule de gâchette, tu vas y aller, ou pénitien, tu vas faire aussi le même stage que lui, d'accord? Donc voilà, donc pour répondre à cette question, donc je reviens sur ce que Super Topu disait. Donc le gouvernement est en pourparler pour que ça soit interdit à la télé maintenant, parce qu'il y a trop de personnes qui regardent ça à la télé. Mais donc attends, tu penses que ça va passer cette loi? Je pense que ça devrait passer très prochainement. Tu penses qu'ils vont supprimer les programmes de cul sur Canal Plus? De toute manière, ça va être interdit et c'est tout maintenant. Mais attends, mais qu'est-ce qu'on va regarder alors? Eh ben vous regarderez. Attends, il y aura plus Love Story, il y aura plus. Mais attends, Love Story, c'est pas un truc porno, espèce de connard. Ouais, c'est limite des fois. Bah Loana dans la piscine. Ouais, non, mais ça c'est autre chose. Les poufias sur le bateau là. Et les poufias sur le bateau, d'accord. T'écrases-moi une question internet avant. Oui, tout à fait. De Lapinou qui te demande si la prostitution par le net, elle existe et si on peut se prostituer avec une welcome. Alors ça, justement, bah voilà la question que j'attendais. Ah bah voilà, elle est arrivée, t'as vu. La question que je m'y attendais et que je m'y attendais de toute manière. Donc ça, c'est toujours pareil, ça va être sanctionné. Ça va faire comme le truc de pédophile et ça va être sanctionné très très rapidement. D'accord. Donc voilà. Donc j'ai répondu à sa question. Parfait. Donc voilà. Il est très content. C'est pas. Alors pensez-vous qu'il faut réouvrir les maisons closes? On va demander à Boule de Gâchette. C'est con comme question, elles sont closes. Excuse-moi, mais les maisons closes. En même temps, tu laisses juste la porte entrouverte, comme ça s'il y a quelqu'un qui veut rentrer, il pousse la porte. Et voilà, en même temps la porte, elle est ni fermée ni ouverte. Quoi. Je veux dire, rentre qui veut. Mmh. Ouais. Non mais est-ce qu'il faut les réouvrir? Moi je pense que ouais. Moi je te dis que plutôt que de les laisser tapiner, se faire taper dessus là quand elles sont au bois de boubou, elles sont raquettées. Non mais attends, mais maintenant au bois de Boulogne, je peux te dire une chose, qu'il y en a de moins en moins. Hein. Ça, Manu, galère pour Manu, en bien sûr, Manu, bah, oui. Manu doit connaître le quartier, il habite à côté. Ouais, écoute, il habite à côté, donc il doit connaître un peu le Manu. Bah, exactement. D'ailleurs, Gérard, alors. Oublié ta voiture à côté. Il y a du monde qui cherche là-bas, il paraît. Non mais d'ailleurs, j'ai garé ma camionnette. Il paraît que tu dois de l'argent quand même. Ouais, bah attends, tu m'étonnes. C'est GG. Crédit. Non, mais oui, mais il me doit de l'argent en fait. Voilà. Pénitien. Parce que je fais tourner. Il paye en ancien franc. Pénitien. Allô. Ouais. C'est lui qui me donne envie. Alors, c'est quoi? Hey, j'ai dit d'éteindre ton micro, toi là-bas. Allô. Allô. T'es moche en plus. Bon. Alors, je vous préviens. Je vous préviens, comme c'est le bordel, il est 1h30. Le débat se termine maintenant. Non, vous fermez vos gueules, le bordel a assez duré depuis minuit, donc vrai, maintenant le débat est clos à partir de maintenant. Non, mais c'est Laurent, la dernière question est terminée. Laurent, J'en ai rien à foutre, c'est pas Laurent qui commande, c'est moi. Donc terminé. Là ça se passe bien, je trouve qu'on a pas vécu avec poésie. Donc Non, mais maintenant c'est simple, le débat tourne à la renverse. Donc vous parlez de n'importe quoi, vous répondez pas aux questions. Au sondage, c'est le bordel. Donc c'est la dernière question, terminé. Non. GG, moi j'ai une question. Non. Je vais te poser une question, GG, moi. Pour une fois que tu maîtrises un sujet, non. Manu. Oui, donc une petite question internet de Prothèse en bois qui te demande s'il faut des serruriers pour ouvrir les maisons closes. Ouais. Hein, bon, c'est... Non, mais de toute manière, je demande... J'ai été pris de court, hein, je suis désolé. Non, mais de toute manière, la question, c'est pensez-vous qu'il faut réouvrir les maisons closes parce qu'elles sont fermées depuis depuis une nouvelle loi. Allez. Donc, ils parlent de les réouvrir. Est-ce qu'il faut les réouvrir ou pas? Voilà, c'est tout. Elles ont fermé quand, d'ailleurs? Ça fait un bout de temps qu'elles sont fermées. C'était en quelle année? Bon, je me souviens plus, mais ça fait déjà un bon bout de temps qu'elles sont fermées. Pénicien, ouais, bah pour terminer sur ce débat. Oui, tout à fait. Pour répondre à ta question, c'est vrai qu'il faudrait ouvrir les maisons closes parce que bon. Réouvrir, hein. Les réouvrir parce que il y a, tu vois, les putes maintenant elles font ça sur les maréchaux, tu vois, c'est n'importe quoi. Il faut que tu te déplaces, tu dépenses de l'essence. alors que si on les parque toutes dans une maison, tu vois, dans un HLM, là on pourra aller dans l'HLM. Non mais attends, ouais, attends, métro, tu vas rembourser en plus. Alors, non mais attends, faut dire une chose. Dans ces cas-là, si tu veux dire qu'il faut se déplacer sur les maréchaux et tout ça, ouais. Dans ces cas-là, je sais pas si vous avez été en Belgique ou pas. Ouais. Eh ben en Belgique, moi j'ai eu l'occasion de faire deux trois soirées. T'as fait des putes en Belgique ou? Ta gueule quand je parle pas. Fais gaffe à ce que tu vas dire comme question parce que tout à l'heure je vais pas le louper toi. Tout chemin pour te taper une pute. Non mais toi je vais pas le louper. Fais gaffe à ce que tu dis parce que je vais pas te rater. Tu kiffes les vitrines. Et si je peux me permettre, Gérard, pour calmer un petit peu la tension, à la place de moche de nuit que tu viens de virer, vraiment non, c'était pas sympa quoi. Laurent, je vais te dire une chose. Non, que lors de là, tu vas fermer ta gueule. Tu vas fermer ta gueule parce que lors des débats, c'est moi qui commande et c'est moi qui vire les auditeurs que je veux. Ah oui, non, mais d'accord. Alors tu fermes ta gueule, t'es là pour faire ton boulot et c'est tout. D'accord, ok. Parce que donc tu l'as viré, je. T'as pas à dire comment que je l'ai viré, c'est mon problème. Ah, c'est pas ton problème. Ah, c'est tout. Donc on a viré. Alors son nom. Donc j'ai viré moche de nuit. Parce que bon, je le trouvais insupportable sur l'antenne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un autre auditeur. Mais il Manu s'appelle Boudin Rouge. Il habite à Lille. Et il écoute Fun Radio sur 92.2. Bonsoir à toi, Boudin Rouge. Il est là. Hein. Salut Boudin. Ouais, salut. Salut Boudin. Boudin Fréquence Rouge, déjà. 92.2. Boudin. Ça va bien. Okay. Ça vient. Donc alors moi je disais. Ouais. Donc pour l'histoire des maisons closes, après vous allez répondre. Donc je sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion d'aller en Belgique. Ouais. Donc comme côté, boule de gâchette ou ces péniciens qui disaient comme ça qu'il fallait se déplacer pour bouffer de l'essence. Bah faut voir en Belgique ce qu'il y a. Il y en a qui sont derrière les vitrines et qui attendent de voir des clients. Et j'ai eu des soirées. J'ai eu l'occasion de. Il paraît quand t'es passé devant la vitrine, toutes les vitrines se sont vidées. N'importe quoi. Elles ont tiré le rideau. Ouais, c'est ça. donc c'est Boulard complet. Rouge. Et lui, il s'est tapé une queue sur le rideau, lui. Boulard ouais, Rouge. Ouais, je t'écoute, ouais. Tu réponds à la question? Il faut me la répéter parce que j'étais avec Laurent, là, au standard. Pensez-vous qu'il faut réouvrir les maisons closes? Bah, nous, on est assez bien fournis, là, comme tu viens de. Moi, je suis de Lille, alors, comme tu viens de le dire, là. En Belgique, il y a les vitrines, ça fait un peu maison close, quoi. Mais en France, ouais, faut rouvrir, évidemment. Mmh. Évidemment qu'il faut rouvrir. D'accord. Super. Attends, j'ai pas fini. Mmh. De toute manière, tu vois, si j'ai envie de passer à un autre auditeur, tu vas la fermer, ta gueule. Ah bah non, mais c'est clair, mais ce serait dommage parce que c'est réellement intéressant. Toi, tu fermes ta gueule, je viens de te dire. Moi, j'ai une info. La date de la fermeture des maisons closes, c'était en 1945. Ça va pas, toi, non? Ah, ça bien était bien après. Non, tu rigoles? C'était 1945 par Marthe Richard. T'avais 35 ans, c'était pas. C'est ça. Pénicien. Par contre, Gégé, juste avant, parce qu'on est bien sur les maisons closes, là, on me dit comment ça va s'appeler quand ça va être réouvert. Bah, toujours pareil, mais alors, j'ai pas de nom de truc. Allez, mais peut-être la maison à Manu. Open house. Oh, putain, j'ai cassé. Peut-être la maison à Manu. Ah, tu m'as démonté. Pourquoi pas? Tu m'as démonté ma race. Pénicien. Tiens, pour la peine, il jouait pas. Bon, allez hop, le débat va être clos. Non, j'ai joué. Allô, Pénicien. Allô, Blaireau. Allô, tu m'entends? Pénicien, une fois. Ouais, c'est bon là. Ah, c'est bon, ok. Bah ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai en fait les maisons closes, pour qu'on mette toutes les putes dans, comme ça on saurait où elles se trouvent en fait, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Là, non, laisse tomber, c'est un jeu de piste, on sait pas. Déjà des fois on tape 10 bornes, on se tape des vieilles roumaines, tu vois ce que je veux dire, des vieilles roumaines quoi. Donc voilà. Et au standard, c'est la dernière fois que je vous le dis, quand je pars et quand les auditeurs parlent et que vous répondez au téléphone, vous fermez votre micro. Le micro, il est ouvert. Il était pas ouvert parce que j'ai entendu dire allô. D'accord, donc il était pas ouvert. Il était pas éteint. D'accord. C'est un auditeur qui parle. Ouais, ouais, mais c'est ça. C'est un auditeur, t'as besoin de parler aussi fort que ça? Non, il t'a cassé. Parce que les gens, qui, les gens, bien sûr. Les gens qui nous appellent, ce sont des routiers. Je te le rappelle, ils sont dans leur camion, ils nous entendent pas bien, donc j'essaie de mais ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Fous-toi bien de ma gueule. Ils se faisaient sucer, donc c'était pas. Sur le net, on a passé la barre des 10 000. On est à 10 210. Oh bien. Quand même, hein. Ouais. Quand même, hein, c'est pas rien, c'est pas négligeable. Hein, Gérard. Et d'autre part, il y a Prothèse en bois toujours qui te demande si les prostituées peuvent être vierges. Bah, si elles font ce boulot-là, en principe, elles sont pas vierges. Hein. Faut quand même réfléchir. Je sais pas, hein. C'est prothèse en bois, hein, tu sais. Moi. Ouais, bah, lui, il ferait mieux d'écouter ce qu'on dit. De se racheter une jambe. Enfin, bref, Pénusien, pour terminer sur la question. Je voudrais qu'on parle un petit peu d'amour dans ce débat-là. On a surtout parlé de cul. Bonjour. Et je voudrais te demander si toi, tu tomberais amoureux d'une pute roumaine. Vous montez sur moi, c'est tout. Pénusien. Ouais, tu pourrais tomber amoureux d'une pute roumaine. Au revoir. J'ai envie de câlin. Pénusien, au revoir. Voilà. Hop là. Super topu. Après, pour finir. Je trouve que ce serait une bonne idée parce que en plus l'hiver arrive et elles vont un peu commencer à se geler le cul sur les trottoirs, donc ce serait bien qu'on les mette au chaud. Et sinon, tu prends combien, super topu? Alors moi, je prends 300 euros. Ouais. C'est roche quand même. Ça t'a demandé 400 la dernière fois là. Mais c'est juste pour et toi. Et tu fais quoi pour Je fais tout. Mais tout demande, avec n'importe qui. En fait, t'as un forfait, tu coches et je fais. Et ça veut dire, par exemple, je t'amène un pote un peu bon qui a pas vraiment de maison. Eh non, mais ça vécu, va, là, quoi, hey. Un pote qui a vécu, quoi. Eh, hey, ça va, je vous gêne pas. Un peu boisé. Non, mais attends, j'essaye de dealer un business pour toi. Mais moi, je t'emmerde, alors, ok. Faut-il interdire la prostitution aux jeunes? On va demander à boule de gâchette. Pour les jeunes, bah écoute, y a pas d'âge pour ce genre de choses, tu sais comment c'est, hein. Je veux dire, le Lascar, il a 17 ans, il a les baloches qui traînent, il a envie, quoi, tu vois. Donc, sous prétexte qu'il a 17 ans et pas 18, enfin, tu vois, c'est un peu compliqué, quoi. Mmh. Ce qui est important, c'est l'hygiène, si t'arrives à saisir ce concept. Non, mais merci, prends pas pour un con, d'accord? D'où l'intérêt de la maison close. Ouais, bah, super topu. Tu peux surveiller un petit peu, quoi. Si je peux me permettre, Gérard, sachant que t'as pillé... Enfin, bon, j'ai viré Pénicien parce que... J'ai viré Pénicien parce que je le trouve insupportable. Et pour ça, j'ai récupéré C'est Philippe qui écoute RFM sur 99.9. Bonsoir, C'est Philippe. Oui, bonsoir, Gérard. C'est sûr de vous avoir. Hein. Ça fait une heure, là. C'est bien le débat sur les putes. Je suis à la bonne adresse. Bonsoir, C'est Philippe. Ah, t'appelles d'où? Alors, moi, j'appelle de Paris. Hein. 101.9, merci. Non, 99.8. Allez, là, super, te pue. Salut, c'est pour toi que j'ai appelé. Elle connaît tout le monde. T'es chafouin. Si vous avez envie d'y parler, vous prendrez ces coordonnées en antenne parce que c'est pas le thème du débat ici, d'accord? Gérard, il y a une question très très subtile sur internet, donc je me dépêche de te la poser. C'est Fed Rota qui te demande ça. Il me dit, est-ce que c'est les tentes des putes à Boulogne? Est-ce que c'est parce que les putes à Boulogne elles ont des tentes qu'on appelle toile de jute? Non mais attends, elles ont pas de tentes, hein. Ah, il paraît qu'elles vont dans des petites tentes derrière. Elles ont une famille quand même. Ouais. Non, elles ont pas de tentes. À moins que tu leur en as payé pour Noël l'année dernière. Non, mais c'est pas ça. Il rajoute qu'il paraît qu'elles ont plein de cousins derrière. Ouais, non, mais il y a même des Manu aussi. Voilà. Je suis cassé. Mais t'as pas répondu, hein. Non, t'as pas répondu, mais réponds pas ce soir. J'ai dit non. Donc, super top. Mais développe un peu. Développe, là. Tu tournes en rond, tu rentres jamais dans le sujet. Mais ouais, ta gueule à toi! Non, mais il a raison, GG, t'es un peu bidon. Hein. Super topu, de toute manière, ça va être la dernière question. Fais un sondage alors avant. Laquelle est-elle? Faut-il interdire la prostitution aux jeunes? Fais un sondage avant. Si je veux, alors c'est pas toi qui me commande, donc tu réponds à la question. On va faire un sondage. Hein. Bah, moi, je suis pas contre, hein, parce que c'est toujours un business, la jeunesse, et puis c'est peut-être mieux d'aller se faire dépister chez une pute que se retrouver comme un con, voire avec une nana la première fois, quoi. Mm-hmm. Au moins, voilà, c'est ce que c'est. Ouais, d'accord. Boule de gâchette. Moi, je fais tarif étudiant aussi. Boule de gâchette. J'ai déjà répondu, mais je peux recommencer. Ah non, mais c'est bon, alors si t'as répondu, c'est bon. Boudin rouge. Mais à quel niveau tu penses que c'est, tu dis ça, c'est pour aller aux putes histoire de se vider les baloches ou en faire son métier? Faut-il interdire la prostitution aux jeunes ? Bah ouais, mais est-ce que le jeune, il veut devenir pute ou alors juste il veut les aller clients, baiser une quoi. Pute ? C'est ça la les question. Les clients, connard ! Monsieur connard. Monsieur, ouais, tu vas lui donner du monsieur quand même. Ouais. Alors les clients, bah ouais, moi je trouve que... tu vois, les jeunes, moi, franchement, les putes, j'y suis pas allé avant 11 ans. Hein. Ouais, c'est ça. tes parents t'ont rien dit ? Non, fous-toi bien de ma gueule d'eux. Dis donc, Philippe. T'insultes pas mes parents parce que moi, je sors de la DAS, d'accord, alors... C'est Philippe, pour finir. Philippe. En fait, moi, ça dépend, en fait, qu'est-ce que tu considères jeune, en dessous de 15 ans ? Non, au-dessus de 15 ans, au-dessus quand même. Au-dessus de 15 ans, c'est jeune, hein. Mais ça dépend, parce que t'as des mecs, ils ont, par exemple, ils ont 58 piges et ils ont des bites hyper jeunes. Bah ouais, deux gamins de 12 ans. Ouais. Alors qu'il y a des vieux, il y a des vieux de 40 piges qui ont des sexes puérils. Exactement. Vieux, GG. C'est pas l'âge qui compte. Alors, les vieux, il y a des mouches. Bon, alors que pour finir, les deux derniers, stop, terminé. Attends, GG. Les deux derniers sondages pour terminer le débat. Excuse-moi, juste une toute petite question. C'est qui ? C'est Boudin Rouge, excuse-moi. Juste une toute petite question. Je voudrais savoir, Manu, t'as pas les yeux qui piquent ? Ah, c'est affreux. Ok. Mais bon, dans mon malheur, j'ai de la chance, tu vois, parce que je suis enrhumé. Ah, ok. Alors, pourquoi va-t-on voir des prostituées ? 6% des gens vont les voir, vont voir des prostituées car ils aiment la Formule 1. 18% des gens y vont pour choper des maladies, mais ça, à mon avis, non. J'ai envie de câlin. 56% des gens pensent interroger et ne parlent que le yougoslave. Et pour finir, pourquoi... Avez-vous planté pour la vous, qu'est-ce qu'un macro, 100%. Bon, alors, vous me faites chier. Vous me faites chier. Conclusion du débat. Conclusion du débat. Bonsoir. Conclusion du débat. Gérard, la fin du sondage, s'il te plaît. Le tocard est en merdard. Moi, j'ai dit conclusion du débat et tu fermes ta gueule. Mais moi, j'aimerais bien que tu continues le sondage, s'il te plaît, parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien connaître les résultats. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'un macro ? 100% des gens disent que c'est un nom masculin, poisson de mer en chair estimée au lieu au double, vert, zèbre et noir s'approche d'un... des côtes au printemps et en été, ça c'est des sondages de merde, donc on à la continuer, poubelle. Attendez-moi le cas, comment on est sur le net ? Mais non, on est 10 514. J'arrête, parce que c'est le bordel, ils font que des conneries au sondage, donc j'arrête. Le débat est clos, non, terminé. Je vais t'aider. Non, parce que là ils foutent de la gueule du monde, donc j'arrête. C'est pas grave, j'ai une question internet. J'arrête et c'est tout. J'ai une bonne question là. Non, mais ils sont en train de foutre leur bordel. Il y a des gens qui n'ont rien à voir dans le débat, qui se permettent de passer. T'as des sons, donc moi j'arrête, bon, c'est tout terminé. Mais non, je vais le faire, ça t'intéresse. Non, parce que là, faut quand même pas déconner. C'est toutes les semaines, ça a toujours été comme ça. Donc moi c'est simple, ça va aller vite. Hein. Non, mais c'est bon. Le débat, il va être. La question, c'était pourquoi, je sais plus qui l'a posé sur le chat de Fun Radio, www.funradio.fr. Le truc qu'il te demandait, c'est on parle de Mac, mais il y a aussi des PC, il disait. Quoi ? Et depuis tout à l'heure, tu parles de Mac, et lui, il dit, il n'y a pas que le Mac, il y a aussi les PC. Non, mais je vois pas du tout le rapport. Je sais pas. Ça marche bien en plus. De manière, c'est avec ce que vous, avec le sondage de merde que vous m'avez sorti. Bon, alors, avant-dernière question, combien de temps passez-vous avec une prostituée? Ça sera la fin. Ils sont calmés, au standard, t'inquiète. Tu la poses à qui la question, GG? Boule de guéchette, oui. C'était quoi la question là? Il m'a calmé, Max. C'est pour ça. C'est pour ça, je les ai calmés. C'est le calmage. Combien de temps tu passes avec Vas-y, boule de pub, posez. Combien de temps je passe avec une prostitute? Écoute, je sais pas, ça dépend du gars. Si le gars il dégaine, tu vois, si c'est un précoce du prépuce, ça peut durer 5 minutes. Mais il peut dégainer plusieurs fois. Oui, mais tu repayes à chaque fois. Si avec une prostituée, si tu dégaines plusieurs fois, tu payes plusieurs fois. Avec moi, tu payes à l'heure. Ah putain, tu m'as carotte la dernière fois. Super, te pue. Bah ouais, enfin avec moi tu payes à l'heure, donc si t'as envie de cracher 6 fois, bah enfin si tu peux, hein, si tu peux cracher déjà, et bah voilà, c'est tout bonheur pour toi. Boudin Rouge. Oh bah moi je dirais, en tout cas je dois dire un truc, c'est Super, te pue, elle est hyper accueillante, hein, parce qu'en général, à l'heure, qu'est-ce que tu fais quand tu t'arrêtes quand le mec se barre, en fait, quoi. Voilà, j'ai un petit réveil et... Ouais, t'as un compteur, quoi. Moi, je dirais, ça dépend. Un bon VRP, une top de VRP dans la bouche, ça peut tenir. Ça marche. Saint-Philippe, pour terminer. Dans les 30 secondes, un truc comme ça. Les mecs sont stressés, tu vois. Bah, Gérard, moi, ça dépend. Si la fille me plaît... C'est qui ? C'est Philippe. Bah ouais, bah c'est justement cette attaque que je m'adressais. Bah, je suis en train d'attendre. Si la fille me plaît, si elle me plaît physiquement, moi je suis prêt à aller jusqu'à 5 minutes. Hein. T'es prêt à mettre combien? Je peux mettre jusqu'à 10 euros et mais j'ai entendu parler qu'en fait il y a certaines prostituées qui prenaient encore les anciens francs. Donc si jamais non non non plans, c'est terminé cette histoire. Ah c'est fini là. Non il y a plus de maintenant c'est qu'à l'euro il y a plus de francs. Ouais Gérard excuse-moi c'est Boudin Rouge à l'appareil. Je voulais juste qu'on soulève quand même une question. On n'en a pas beaucoup parlé. C'est l'hygiène. Quand même, je voulais savoir notamment si OK, les capotes, des Kleenex et tout, mais qu'est-ce que tu penses de l'utilisation chez les péripatéticiennes de les coton-tiges, des trucs comme ça, Boudin Rouge, au revoir. Quoi? Au revoir. Pourquoi? Au revoir. Oh là là, hey, il s'est passé un truc de ouf, GG là. Quoi? Sur le net, c'est qu'en fait, t'as viré Boudin Rouge, direct, on n'est plus qu'à 231. Et je déconne pas. Ah, faut qu'il revienne. Non, non, mais c'est pas. De manière, c'est simple. Ça a peut-être remonté, hein, mais. Non, mais le débat, il est clos, et puis de toute manière. 241, c'est pas terrible. Non, non, mais de toute manière, le débat, il va être clos, comme il n'y a plus personne qui appelle, donc ça va aller vite. Si, bah, renvoie le standard, renvoie. Donc, 0825. Il y a pas de le standard, regarde, les mecs. Mais non, attends, il y a du monde. Donc, si vous voulez continuer, il reste encore 5 minutes de débat. Il y a Boudin Rouge qui voulait s'excuser, qui voulait faire. Non, il revient pas. Hein, il revient plus, c'est terminé, au revoir. Fais-le revenir. Non, c'est terminé. Allez, jolie voix. Donc, vous pouvez nous appeler au 0825 08 5000 et donc on va s'écouter. Elle est sur la quéquette à GG. Ah, tu veux un disque maintenant? Ouais, ouais, ouais. Bon. Carrément. Bah oui, il reste. Non, non, sinon, je fais la conclusion. Oui, bonsoir, c'est monsieur Mazur à l'appareil. Bonsoir, monsieur Mazur. Je suis là, lui. Bonsoir, monsieur Gérard. C'est quoi, c'est Laurent? Monsieur Gérard, j'ai enfin réussi à revenir. Non, j'ai récupéré, monsieur Mazur, parce qu'il s'est excusé au standard. Je t'ai dit. J'en voulais plus. Entendu, n'est-ce pas? Au revoir. Ne parle pas les filles de joie, monsieur Gérard. Quel merveilleux sujet que vous avez su maîtriser jusqu'au bout. C'est bon, terminé. J'ai dit au revoir, monsieur Mazur. Puisque justement vous soulevez le débat. Au revoir. Approfondir. Bon, allez. Boule de guéchette. Attends, je sais pas où il est. Voilà, il est sur la ligne belge. Boule de guéchette. J'ai déjà répondu. Non, mais c'est la conclusion, c'est mais tout. Non. Bah non, il reste à dire qu'il reste des minutes. Non. Bah, on envoie un disque, c'est non, tout. J'ai une bonne question, là. J'ai une vraie bonne question de monsieur Chazal sur Internet. Ah ouais. Qui te demande si une pute est forcément une salope ou autre. Pas spécialement, non. Parce qu'on les traite n'importe comment, mais pour moi, c'est des gens comme tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a des filles. Un pont ce travail là, c'est leur boulot. On n'a pas les insulter, c'est tout. Et voilà. Il y a beaucoup de filles dans les soirées, tu sais, quand nous on a fréquenté ça dans les boîtes ou tout, où des fois il y a des mecs qui disent ouais, les filles c'est une pute. Mais est-ce que c'est normal qu'on traite une fille de pute? Bah non, parce que Lily, elle était. Mais non, mais. Tu crois où? Mais non, mais je crois. Oh là, oh ça va acheter un truc. Oups, ça y est, ça a acheté un que truc. Putain. Non, Laurent, tu dégages. Oh putain, il y a deux qui frappent. Il y a deux qui frappent. Laurent, tu dégages. Non, mais ce qu'il voulait dire, c'est tu que. Dégages. Ce qu'il voulait. Putain, oh, parle pas de Lily comme ça. Ce qu'il voulait dire, tu dégages. Lily, c'est certes une prostituée, mais elle est quand même sympa. Terminé le débat. Je pense que c'est ça qu'il a voulu dire. Manu, n'en rajoute pas parce que toi aussi tu vas prendre. Je croyais juste que t'avais mal compris en fait. Donc terminé le débat des clous, on arrête là-dessus. Oh non, il reste des questions encore. Il y a plein de questions. Mais attends, pas de disque. Si, on met un disque, c'est tout. Sinon, j'arrête le débat. Il y aura une dernière question après, ça sera quoi la dernière? Et la dernière, faut-il fermer. Non. Combien gagne une prostituée environ? Et ça sera la dernière question pour ce soir. Eh, hey, Gérard, on va te faire un gâteau. C'est un gâteau, un cadeau. Qu'est-ce que t'aimes bien comme musique électronique? C'est tes artistes préférés? Je sais pas, moi, ce que ouais. Tu veux mettre. Qu'est-ce que t'aimes bien à l'époque? Les Das Pook. Donc on se retrouve après pour la suite et fin du débat au 0825 08 5000. Et tout on s'écoute quoi, GG? Les Das Pook. T'as dit comment? Les Das Pook. Oh, tu déchires en anglais. Hey, tu parles encore plus fort, je comprends pas, espèce de con. Et pendant 2 heures, c'est les débats de Gérard sur Fun Radio. Et voilà, donc rebonsoir. Donc suite et fin du débat. Donc on venait de s'écouter les Das Pook avec du beurre, c'est bien meilleur. Et voilà, donc suite et fin du débat. Dehors, toi, je t'ai dit. Hop, dehors, terminé. Combien gagne une prostituée environ? Mais on va aller sur le net un petit peu là. Il y a quand même des questions. Alors oui, il y a plein de questions. Hein, faut juste que j'en trouve une. Et vas-y, enchaîne. Et puis moi, dès que j'en ai une qui arrive. Bon, alors donc, on a boule de guéchette. Combien elle gagne? Non, mais attends, je revois qui c'est qui me reste. J'ai une question, ça y est, j'en ai une. On en a que trois, là. Est-ce que les prostituées sont syndiquées à la CGT? Non, elles ont pas besoin, à mon avis, je pense pas. Donc, voilà. Y a une carte, pourtant. Ouais. Non. Y a pas de carte d'adhésion? Non. Bah, normalement, non. Si, hein. Bah, non, mais bah, super topu. C'était quoi ta question? Non, non, mais après, vous êtes syndiqué. C'est Philippe. Ouais, oui, je suis pas syndiqué. Donc alors, combien gagne une prostituée environ? Par mois? Oui. Posez la question à qui? C'est Philippe. Ok, bah en fait, ça dépend du rendement de... Tout dépend du rendement de la pute, en fait. Hein. Mm-hmm. Ça dépend du nombre de pipes qu'elle taille, de ce qu'elle fait durant le mois, quoi. Ouais. C'est payé à la pipe. Hein. Et Gérard, je voulais te féliciter pour ton choix musical. C'était très bien. Genre les Daft Punk. Ouais, c'est vrai. Et mais t'as oublié de préciser que c'était le label Puticus. Ah ben bon, dommage. Je connaissais pas. Il y a que les DJ qui savent ça. Super topu. Bon, moi, je gagne entre 2000 et 3000 euros par semaine. Mm-hmm. Donc par mois, tu calcules, quoi. Ah oui, quand même. Hein. Ah bah ouais, mais bon, je fais pas gratos non plus. Non, mais ça, en principe, c'est pas toujours gratuit. Hein. Et puis, elle se casse le cul au boulot. Hein. Boule de gâchette. Écoute, c'est variable. Hein. Mm-hmm. Ça, je dis c'est variable, ça dépend des gagneuses, en fait. Hein. Ah bah, elle gagne sa vie à la sueur de sa raie. Hein. Bon, ben ça, à mon avis, je pense que tout ça... Bah, attends, ça dépend. Si tu fais pas un client, bah, tu ramasses pas. Et si tu, voilà. Si tu distribues des infections urinaires à tour de bras, tu ramasses, quoi, c'est tout. Quoi. Mm. Ça dépend, en fait, de la fréquence. Ouais, puis il faut investir aussi. Moi, j'ai investi dans un anus artificiel. Oui, enfin, tu vois, j'ai quand même pas mal de matériel. J'ai un stérilisateur de God, tout ça. Donc, On a dit qu'on parlait pas d'hygiène. Hein. Excuse-moi. La super pute. Il faut renouveler tout ça, quoi. Il y a aussi de la pommade, des capotes. Ça coûte cher, tout le ça. Le papier de verre, ouais. Super pute, c'est Philippe. Moi, je suis abonné, tu sais, à la Redoute. Et j'ai entendu parler d'un vagin biplat. C'est Philippe. Oui, il n'a pas fait exprès. J'ai merci. Ah. Un vagin artificiel. Oui, biplace. Mmh, c'est ça. Bon, allez. Ça y est, vous avez tout le monde a terminé là. Vous avez fini de raconter vos conneries. Il faut dire que Super Pute est à fond dans le débat, donc on lui pose des questions. C'est à fond ouais, non, mais c'est pas elle qui fait le débat, c'est moi, d'accord. Attends, t'es pas la seule pute, elle aussi. Dis-moi, Gérard, moi je suis abonné à La Redoute. C'est Philippe, au revoir. Mais non, attends, j'ai rien dit en plus. Attends, Gégé. Ah, c'est pas lui. Ah ben, tu me les calmes, les. Je les calme. Pendant qu'il les calme, il y a Diana et Laurent de Fun qui sont ensemble sur le même truc, c'est bizarre. Depuis que tu l'as viré, je crois qu'il est parti de chatter avec elle, en fait. Enfin bon, ils ont l'air amoureux, mais bon, il te pose une question, en fait. Existe-t-il des plaques d'immatriculation pour les putes? Ouais, mais ça, c'est Diana, parce que j'ai vu sa question. Ouais, mais je sais bien, mais c'est Diana et Laurent, maintenant, son pseudo. Donc, pour répondre à Diana, non, il n'y a pas de... Diana et Laurent, pardon. Non, ouais. Mais moi, j'en ai rien à foutre. Je réponds à la question à Diana, celle qui me l'avait posée en premier. Donc, est-ce qu'il existe des plaques d'immatriculation? Bah, de toute manière, s'ils sont dans leur camion, oui, ils ont des plaques d'immatriculation. C'est d'accord. Il voilà. y a Laurent de Fun tout seul qui te demande si Lily avait été une pute, est-ce que tu serais allé la voir? Lui, il va se faire enculer. Et c'est terminé, il ne fera plus les débats avec... il fera plus partie de l'équipe des débats. C'est terminé pour lui. Non, mais merci. Merci de tes conneries. Alors maintenant, tu sors des studios, tu fais plus partie de l'équipe. T'es dehors. Hop, tu sors. Tu sors et tu mets ton portable. Oh, Laurent, t'es lourd. Tu sors. Alors, faut-il fermer tous les bois à cause des prostituées? On va demander ça à Super Tupu. Non, faut pas fermer les bois. Au contraire, il faut les ouvrir, il faut aménager tout ça, quoi. Dans les bois, c'est plus excitant, tu trouves pas? Personnellement, moi, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Je l'ai dit tout à l'heure, alors. Ouais, je suis pas sûr, hein, parce que je trouve que t'es quand même bien calé sur le sujet. Ah bah ouais, à force, depuis attends, le temps que... t'as été routier, on me la fait pas. Moi, je sais très bien que t'allais voir des putes. Toi, ouais. Ferme-la, parce que toi, t'habites à côté du bois de Boulogne, alors tu ferais mieux de te taire. D'accord? D'accord, mais bon, t'as été routier quand même. Écrase. Ok. Mais t'as été routier quand même, mec. Ouais, non, mais les routiers, les routiers t'emmerdent. Vous êtes bien content de les avoir pour manger. Voilà, d'accord, alors ferme ta gueule pour ça. Boule de gâchette. Les bois, ouais, c'est vrai que je sais pas si tu te souviens quand il y avait eu la tempête, là, il y avait le bois de Boubou, il était ravagé quand même. Mmh. Et c'est vrai qu'elles ont vécu une période qui était difficile. Hein. Parce que on pouvait plus, elle pouvait plus travailler dans des conditions. Non, mais de manière, le bois de Boulogne, il avait déjà été fermé bien avant la tempête. Je demande à Super Tepu, je suis sûr que c'est le travail en bois, elle te dira que la tempête, ça a quand même causé des soucis pour. Ça a causé énormément de soucis, ça a soulevé aussi pas mal de véhicules, donc il y a quand même pas mal de filles qui se sont fait détruire leurs camionnettes, il y a des arbres qui sont tombés dessus. Tu vois. Ouais. Emportés par les flots, tout ça, donc ça a été une vraie tragédie pour le monde putien. Ça, c'est la misère du monde rural. Ouais. Il y a des putes qui ont carrément, qui ont volé en éclats ou qui ont disparu. Bah, je sais pas, il me semble, ouais. Pendant la tempête, oui, tout à fait. Hein. Ah, carrément. Elles ont explosé de la chatte. Et on me demande sur le net, c'est tout tourné qui me demande ça. Il me demandait si on pouvait payer les prostituées en pénis ou en écu. En pénis ou en écu, c'est quoi ça? Ouais. En pénis ou en écu, quoi, c'est de la monnaie, tu vois. Non mais ça c'est le pénis. Non mais c'est dans les pays étrangers, donc je sais pas comment que ça se passe, donc. Ah t'étais voilà. Routier, attends. Mais moi je travaillais que sur Paris. T'as pas fait l'international? Non. Qui c'est qu'il nous reste? Place en Paris pourtant. C'est Philippe. C'est Philippe, ouais. T'es calmé? Je trouve que la décision de. T'es calmé? Bah oui, je suis calmé. La scène. Moi, je trouve que la décision de fermer les bois, ce serait trop radical. Par contre, on devrait faire en fait des réserves naturelles où on enfermerait toutes les putes. Et en fait, on ferait des safaris avec des clients pour les tirer. Ouh. Ah, c'est bon. Tu vois ça. Ce que je veux dire? Non, mais attends. Je crois que tu vas un peu loin sur la question. En fait, tu les enfermes dans une réserve naturelle où elles pourraient gambader et tout, tu vois. Elles iraient boire à la rivière. Élevées au grain. Voilà, exactement. Pourquoi pas aux eaux de Vincennes aussi, tant que tu y es. Pourquoi pas? Hein? On est quand même des femmes, on n'est pas des animaux. Après, on ferait des safaris avec des clients qui viendraient les tirer. Non, mais faut quand même. Je prends la dépense là, je prends quand même la dépense des nanas. Faut quand même pas prendre une femme pour un animal. Bah attends, il dit ça, c'est un écologiste. Le exactement. Ouais. Non, mais même. Gérard, si on ferme les forêts, comment ils feront les gens pour aller aux champignons? Non mais je parle pour les prostituées, pas pour. Non mais des fois c'est la même chose. Hein. On parle de mycose, nous. En plus, elle pourrait rabattre plus de gibier parce que chasse en groupe. Tu vois ce que je veux dire? N'importe quoi, toi. Terminé. Conclusion du débat. Tu levais bien des sangliers, toi, une époque. Conclusion du débat. C'est Philippe, conclusion du débat. Ça passe tout seul. Alors c'est fini là déjà. Conclusion du débat. On a tout abordé là, l'économie de la pute. Il reste deux questions, GG. Bah ouais, allez. Ah ouais, GG là. Parce que je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit sur les putes. Hein. Si Max donne l'autorisation, on peut continuer un peu. Là. Non, moi je demande la conclusion, c'est tout. Déjà Gérard, j'aimerais te poser la question suivante. Est-ce qu'une pute remplit une feuille d'impôt? Est-ce qu'elles sont imposables? Elles sont non imposables. Et pour rejoindre la question de... Dehors! Merci Laurent. Non, on continue. Il a pas fini, il a pas conclu avec Diana. Attends, je vais fermer la porte. Et on me demande sur le net, c'est El Blaireau qui me demande ça, comment les putes font pour récupérer leur RTT? Ah, elles ont pas de RTT vu qu'elles sont pas payées. Elles sont payées 35 heures. Bah non, elles font plus de 35 heures. Mais donc tout le voilà. Monde est aux 35 heures. À part toi qui en fais deux, mais. Et attends, ouais, GG, t'as pas parlé de ça, je veux dire. Au niveau des vacances et tout non, ça. Non, mais c'est bon, j'ai dit conclusion. Mais c'est vrai, est-ce qu'elles ont des fiches de paye? Comment ça se passe? Parce qu'elles sont payées quand même vachement avec du liquide. Non, mais de toute manière, elles ont pas de fiches de paye, donc elles sont payées comme ça, par les clients, et elles repayent avec. Mais moi, je me suis toujours demandé un truc, GG, excuse-moi de t'interrompre. D'accord. Donc pour. Mais sinon je voulais. Putain, tu vas la fermer ta gueule. Vas-y. Comment elles font vraiment pour décider de partir en vacances? Comment elles font? Non mais ça le problème c'est que vu qu'elles sont pas déclarées ni rien du tout, qu'elles font ça comme ça pour le fun. Non, disons pour leur plaisir peut-être. C'est peut-être un boulot pour eux. Ouais. Pour elles, pour celles qu'ils font, c'est malheureux parce que ça leur gâche toute une vie. Il y a des jeunes qui commencent très très tôt là-dedans, quoi, qui viennent des pays de l'Est. Ouais, et donc en fin de compte, tant qu'ils ont de l'argent, s'ils font tant de clients par jour, donc ils ont un bénéfice pour eux et l'autre bénéfice va à celui qui les emploie. Ça c'est les prostituées qui sont avec les macros parce qu'il y a les putes qui travaillent à leur compte. Bah il y en a qui travaillent pas spécialement à leur compte mais qui sont obligés de. Parce que les putes de Slovénie, vous en avez parlé là. Ouais mais ça c'est des macros qui récupèrent la moitié de ce qu'ils ont fait dans une journée. C'est des Bretons. Donc voilà. Et quand elles tombent malades, elles font comment quand elles tombent malades? Bah, quand tombent malades, bah, hein, si elles ont pas de SAMU ni rien du tout, bah, elles payent, hein, c'est tout. Elles font comme nous, elles payent. Donc voilà, donc on, la conclusion. Je sais pas ce que les auditeurs, ils en pensent, mais. Alors, toi, tu payes. Normalement, je trouve, ce qui est pas normal, c'est qu'ils aient pas de, d'aide sociale, tu vois, ce que je veux dire. Mais ça, justement, comme je viens de dire, et je l'ai déjà dit, vu que c'est pour eux, c'est des gens qui les font travailler, et c'est les macros qui récupèrent une partie. Attends, donc c'est aux macros de payer les cotisations sociales et la sécu, c'est à lui de payer. Ben voilà, mais bon, maintenant, si elles gagnent pas assez, ben, c'est leur problème, hein. Donc ça dépend de ce qu'ils font dans une soirée, voilà. On peut demander justement. C'est des charges macronales, ça. Non, mais donc, on peut demander à la pute, là, qui a l'entrée, qu'est-ce qu'elle pense, justement, de tout cet arrivage de jeunes filles magnifiques qui ont que juste 18 ans et qui viennent de pays de l'Est. Écoute, moi, ça me pose pas plus de problèmes que ça dans le coin où je suis, parce que moi, j'ai une clientèle bien, bien définie, je prends pas n'importe qui non plus, donc moi, je laisse ces filles-là se taper les pauvres types, quoi. C'est pas très gentil, mais bon, il en faut. Mmh. Donc, voilà. Elle doit souffrir du martyr, quoi. Donc on a fait le. Non, il y a encore une petite question. Oh là, putain, il y a Laurent vient de rentrer. Non, il y a Napoléon qui te pose une question sur le net. Prends ses affaires simplement. Il te demande s'il y a un label rouge pour les putes. Non, il y a pas de label rouge. Et donc on va conclure sur ce. Et on me demande encore Emmanuel Chien qui me demande quand tu veux payer une pute en carte bleue, tu la mets où la carte, dans quelle fente? De manière, apprennent pas les cartes bleues et ni les chèques. Putain, t'es bien renseigné, mon salaud, quand même. Comment je t'ai grillé? Il s'est tapé des putes. Bon, bah, toi, tu peux parler. Il s'est tapé des putes. Ça va, Léo? Parce que toi aussi, t'as dû t'en taper bien avant de venir dans le coin. Il m'a brisé. Fais gaffe. Donc, voilà, c'est sur ce qu'on va terminer ce débat pour ce soir. Donc, c'est Philippe, la conclusion du débat. Merci. Parce que je pense qu'on n'a pas tout abordé. Non, mais. Laissez-moi te poser la question. C'est Philippe. J'ai dit la conclusion. Tu poses plus de questions maintenant. Non, mais sur la formation. Ça va sonner là. Ah, il y a un portable. Sur la formation des putes, comment ça se passe? C'est Philippe. Oui. Non, mais on n'a pas tout cerné. J'ai dit conclusion du débat. Moi, j'aimerais savoir parce que tu vois, je suis assez. Soit tu fais la conclusion, soit je te dis au revoir. Il montait sur moi, c'est tout. Bon, moi, je dirais que c'était un bon débat. On a parlé de putes avec poésie. On n'a pas trop dérapé, je pense. À peine. Gérard, il dérape toujours, mais. Non, à peine sur le verglas, tu veux dire. Ouais. Ouais, bah oui. Et moi, j'ai entendu une rumeur, une folle rumeur. Je sais pas si tu peux me confirmer, Gérard. Ah. En fait, c'était toi qui faisais caca le long du 13e pylône. Et c'est pour ça que la Mercedes, elle a dérapé. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, boule de gâchette. Boule de gâchette. Bah écoute, c'était pas mal. C'est un bon débat. On a senti qu'il y avait quand même une certaine maîtrise du sujet, que c'était pas un sujet que t'avais abordé comme ça par hasard, parce que t'en as rempli quand même des gourdes à sa foutre, hein, faut le savoir. Et c'est même 2-3 qui ont débordé. Et puis c'était très bien, je te remercie, je te souhaite une bonne soirée, clochard. Ok, connard. Allez, ciao. Salut. Ah, des mots doux, j'adore. Super topu, pour finir. Bah écoute, bon débat, mais je trouve que t'es pas allé assez profondément dans les choses que tu as évoquées. T'as pas parlé des putes hétéros, par exemple, et ça, je trouve que c'est aussi un problème. Mais bon, on va pas s'éterniser dessus. T'as pas voulu répondre, tant pis. Et puis voilà, quoi. Je trouve que effectivement, t'avais l'air de bien savoir de quoi tu parlais, et que les auditeurs ont été assez sages. Enfin, on n'a rien évoqué de choses qui pourraient toucher, tu vois, aux choses propres de la vie, quoi. Bah disons. J'ai envie de câlin. Disons si, ouais, ça a quand même débordé dès le départ. Hein. J'ai envie de câlin. Bon, enfin, donc voilà, donc conclusion. Conclusion du débat. Conclusion du débat sur Internet, tu veux dire? Oui. Sur Internet, on me dit c'est pas possible, Gérard, c'est pas un vrai routier, c'est un imposteur. C'est pas possible que Gérard il soit jamais tapé une pute, la preuve, Sandy. Qu'est-ce qu'on me dit? Un bon débat, tiens, putain, pour une fois. Et bah voilà, c'est à peu près tout, les gens ils sont contents. Et pour finir, on était à 11 049. Ah bien! Ce qui est quand même bien. Ouais, c'est pas mal. Je suis plutôt content, ouais, Gérard. Tu fermes ta gueule, tu sors des studios, tu ne fais plus partie de l'équipe. Par contre, Laurent, sur Internet, on m'a demandé une question pour toi, parce qu'ils ont trouvé que t'avais bien bien géré ce débat, ouais, et que c'était vraiment impeccable. Non, ça me fait plaisir. Et ils auraient aimé que tu continues un peu le débat plus longtemps, tu vois, dans mais la soirée. C'est ce qu'on va faire, hein. Ils voulaient que tu continues avec la question si tu connaissais l'adresse de la banque du sperme. Je la connais pas sûrement, peut-être que Gérard a une information. La conclusion du débat, donc début très merdique, standard bordélique. Le standard bordélique, il n'y a qu'à, que sur l'internet, ça a pu bien se passer. Sinon à l'ARIA, ça, pour moi ça a été super bien. Ah, merci, donc rendez-vous. Merci. Rendez-vous le mardi 22 octobre sur le débat octobre. Sur la drogue. Octobre. Hein. Le 22 octobre, j'ai bien dit. Ah ouais. Sur la drogue, les cannabis et l'ecstasy, comme c'est le sujet d'actualité qu'on parle sur les voitures. Et n'oubliez pas le 21 octobre d'envoyer des cadeaux au. Laurent ! Oh Laurent, putain ! Putain, Laurent ! Mais sors, merde ! Sors, sors ! Prends la clé, sors ! Prends la clé, sors, merde ! Je sais bien qu'il ressemble à Perfouras, l'autre là, mais. Donc je disais, donc n'oubliez pas aussi, si vous voulez envoyer des cadeaux le 21 octobre pour l'anniversaire de Max, donc vous pouvez le faire au 20-22 rue Bayard, 75-008 Paris. Manu, ça... Non, je voulais te lâcher un peu en pleine face, non, mais j'ai pas réussi. Donc je redis, donc si vous voulez envoyer des cadeaux pour Max pour son anniversaire le 21 octobre, donc 20-22 rue Bayard, 75-008 Paris. Et surtout les débats là, de Gérard, hein, mardi là, vous prochain, allez, mardi 22 octobre. Hein. Et le 22, je serai là aussi pour les débats sur la drogue, le cannabis et l'ecstasy, parce que je viendrai le 21 pour l'anniversaire de Max, je serai dans les studios présents à ses côtés. Elle peut même donner en exclu peut-être après le 22 la prochaine date qui sera le 31 octobre de souvenir, un jeudi je crois, enfin le 31 octobre, et je pense que ça sera un débat intéressant parce que je vois que tu en reparles de plus en plus et je sais que c'était ton métier. Peut-être qu'on pourrait refaire, mais si on l'a déjà fait, parce que je sais que c'est souvent abordé. On a vu dans le cannabis, on a beaucoup de routiers qui ont appelé. Peut-être refaire un débat sur les routiers. Le problème, c'est qu'on a déjà fait les putes aujourd'hui. On va peut-être tourner en rond. Donc voilà. Je te paye un coup pour le Queen. Tu viens quand tu veux. Toi, vas-y, j'ai pas une gueule à aller là-bas. Hein ? Et donc, là, vous allez retrouver la. Là, vous allez retrouver Léo pour la nuit sans pub et puis moi sur le chat www.funradio.fr. Ouais. Bonne nuit à tous! À... La gueule, le... Merde. Au lundi 21. Au 21. Et au 22. Et au 22. Débat. Bonne nuit à tous! Wow. À toi, Léo, quand tu veux. Moi, si je peux me permettre, Gérard, ça va terminer pour. Chat. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, envoie le son. Qui passe?